amène le coq et qu'on le fasse chanter, qu'on démarre une nouvelle journée, qu'on démarre ce mardi, qu'on démarre ce cadre. Bon, on démarre. Ouais. Soyez les bienvenus, on est mardi. Oui, cette journée, on va la démarrer tous ensemble. Soyez les bienvenus. Il y a Offenbach qui arrive, il y aura aussi DJ Snack dans 10 minutes. C'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On va tous se dire que notre journée est merveilleuse parce qu'il y a pire que nous dans le monde. Ouais. Et avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du mieux ce mardi avec une journée moins humide en prévision. Ce matin, le gris devrait quand même l'emporter avec des averses sur la Bretagne. Mais dans l'après-midi, on va retrouver de belles éclaircies sur la majorité du pays. Grand soleil même dans le sud-est. Encore quelques gouttes tout de même pour l'ouest. Désolé les Bretons. Même genre de météo demain avant une nouvelle dégradation jeudi. Les températures assez douces encore. Au maxi France, 2 degrés à Auxerre, comptez 13 à Brest jusqu'à 14 pour Fréjus. Après les chefs de partis politiques hier, le Premier ministre doit recevoir une délégation de gilets jaunes ce mardi. Certains ont déjà décommandé après avoir reçu des menaces au sein même du mouvement. Édouard Philippe devrait présenter en tout cas des mesures avant demain matin pour répondre aux revendications contre la vie chère. Environ 10 000 personnes étaient encore dans la rue hier sur des ronds-points ou sur des péages autoroutiers pour manifester. Premières images d'ailleurs de pénurie d'essence en Bretagne avec des restrictions à la pompe dans le Finistère notamment. Et pendant ce temps, la colère monte aussi dans les lycées. Une grosse centaine d'établissements étaient bloqués hier, le double de vendredi. Il y a eu aussi des affrontements entre les forces de l'ordre et les lycéens en Seine-Saint-Denis et dans le Var. Des élèves solidaires, le plus souvent des gilets jaunes, ils dénoncent également Parcoursup ou encore la réforme du bac. Dans ce contexte très tendu, la collecte des banques alimentaires le week-end dernier a été moins bonne que d'habitude. Plus de 10 000 tonnes de nourriture ont tout de même été récoltées grâce à votre générosité. Ça représente 22 millions de repas pour les plus démunis. Le foot avec le ballon d'or décerné à Luka Modric hier. Le Croate est triple tenant du titre de la Ligue des Champions avec son club du Real Madrid et finaliste du Mondial. Antoine Griezmann, premier français, termine troisième derrière Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé au pied du podium est reparti avec le trophée du meilleur joueur de moins de 21 ans. Ada Hegerberg a soulevé le premier ballon d'or féminin de l'histoire. Elle est norvégienne et joue à Lyon. Sur le terrain maintenant, début de la 16e journée de Ligue 1 ce soir. On a un choc dans le sud entre Montpellier et Lille, deux équipes du top 5. C'est à suivre dès 21h. Paris jouera demain à Strasbourg, Marseille à Nantes et Lyon recevra Rennes. Des dizaines de millions de téléspectateurs chaque année sur tout le continent. L'Eurovision aura lieu en mai à Tel Aviv, mais le futur représentant français sera connu début 2019 à la fin de Destination Eurovision. Vita intègre le casting aux côtés d'André Manoukian et Christophe Willem avec pour but de désigner le candidat tricolore. Elle livrera ses impressions à la fin de chaque prestation, mais seul le public pourra voter au final. On termine au ciné avec un film énergie, Nicky Larson, l'adaptation grand écran du dessin animé sortira le 6 février. Derrière son projet, on retrouve Philippe Lachaud de Babysitting, un vrai fan du personnage. La liste des guests s'allonge encore après Pamela Anderson ou Dorothée, Gérard Jugnot, Audrey Lamy ou même Mehdi Sadoun de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu seront présents au casting également. 6h03, c'est la fin de ce flash mardi 4 décembre. Bon réveil, bonne matinée sur NRJ. Bonjour Paulette. Au taquet. Bonjour Glandu. Debout tout le monde. Bonjour Nico. Allez là. Bonjour papa. C'est moi. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Manu, 6h04, c'est mardi aujourd'hui. Nous sommes le 4 décembre 2018 et nous sommes de retour pour démarrer cette journée. Bonjour mardi. Bonjour mardi. On va s'écouter Offenbach, les amis. Ça arrive dans 2 minutes. J'aime bien les chansons avec des paroles simples comme baboum, baboum, baboum. Ouais. Ça arrive dans 2 minutes. Juste après, ce seront les concours du jour. Les gens improbables qui font des choses improbables et qui nous permettent de nous dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Pour démarrer, devinette. Ah. Ouais. Ah, vas-y. Info Amazon. Selon Amazon, l'un des objets les plus commandés sur leur site depuis quelques jours est... D'après vous, c'est quoi? Il y a Noël qui arrive, évidemment, donc il y a des cadeaux qui sont commandés. Mais depuis quelques jours, quel est l'objet le plus commandé? Ah, Isabelle. Un gilet jaune. Ah, bonne réponse. Ah ouais. Oh, désolée, je suis sur la Couvre-la-Couture. Ah ouais. Bah oui, non, mais je m'en doute, ouais. Parce qu'elle en a commandé 12 elle-même. Pour toute la famille. Voilà. Le gilet jaune est la demande la plus forte sur Amazon. Ah bah ouais. Alors, tellement forte qu'ils craignent la rupture de stock et ils ont dû monter les prix. Ah ouais. Non, non. Bah, c'est pas cool. L'offre et la demande. Ce qui est génial, bah ouais, c'est quand même le gilet jaune qui est censé être le symbole justement des difficultés financières. Ouais. Tellement de demandes que le prix augmente. Ouais, c'est-à-dire que là, on est tombé dans un truc, ça ne s'arrête plus. Hein. Ouais. Mais ça vaut combien environ un gilet jaune? Ça vaut plutôt 5 euros, 10 euros? Ah non, c'est pas 10 euros, c'est quelques euros, je crois. Ah oui, ça va être 2-3 euros, je pense. Bah oui, c'est pas énorme. Il suffit de taper gilet jaune prix. Hein. Bah ouais, après, il doit y avoir différents, il doit y avoir des coupes différentes, je pense. Des gilets jaunes, un gilet jaune, c'est pas non plus un costume de mariage. Non, hein, alors, combien ça coûte? 2,90. Ah ouais. Ah ok. Voilà. Après, ils ont intérêt à être bons sur la livraison, quoi. S'ils le laissent, tu vois, dans 3 mois et que le truc est terminé, c'est con, les gars. Oui, effectivement. Après, du coup, tu le revends, mais le prix aura baissé. Ouais. Ah merde. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, le système, on ne peut pas s'en sortir. Qu'avez-vous envie de partager avec nous pour démarrer cette journée, les amis? Paulette? Hier, il m'est arrivé un truc hyper chelou à la piscine. À la piscine, ouais, parce que t'as été à la piscine. Bah oui, je suis allée à la piscine, pourquoi? Ah, bien. Ça vous étonne autant que je fasse un tout petit peu de sport? Alors oui, honnêtement, oui. Parce que entre le nombre de fois où t'as dit je vais aller à la piscine et le nombre de fois où on t'a vu avec des affaires de piscine, ouais, honnêtement, le ratio il est pas énorme. Donc là, tu nous dis je suis allée à la piscine, je me dis à mon avis, tu t'es trompé de chemin ou il y a eu un truc où t'as été accompagnée d'une copine. Non, j'étais très très motivée. Toute seule? Oui, toute seule. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait une juste à côté de la radio. Donc c'est pour ça que j'étais ravie. Et en arrivant à la piscine, comme d'habitude. Donc t'es d'accord avec moi, j'ai découvert qu'il y avait une piscine à côté de la radio, donc t'as jamais été à la piscine en fait. Passer à côté de la radio. D'accord. Donc après elle nous dit pourquoi vous êtes étonné que je vais à la piscine. Ok. Et donc comme d'habitude, j'avais oublié mon bonnet de bain. Non, pas comme d'habitude. Oui, comme pour à chaque fois que j'y vais tous les ans. Voilà. Et donc il y avait un maître nageur, donc je lui demande où je peux en acheter et il m'offre le sien. Son bonnet? Oui, il me dit mais mettez-le, rendez-le moi après ou si vous y pensez pas, c'est pas grave. C'est pas très propre. Ah ouais. Bah je sais, non il était un peu plastique. Bah oui, ouais, je sais, c'est un peu latex. Y a pas de bonnet de bain en fourrure. Hein. J'aimerais bien, enfin en fausse fourrure bien sûr. Et donc, mais c'était pas le sien, il avait trouvé un bonnet qui traînait là et il te l'a donné, non? Mais non, il est allé le chercher dans sa petite cabine derrière. Ah oui, mais dans sa cabine, les bonnets qui sont perdus. Il a été. Non, mais c'est vrai. Mais non, peut-être non. Pas. Bon, écoutez, parce qu'après, il a continué à faire un truc trop mignon, c'est-à-dire qu'il m'a proposé et il m'a mis autour du bras un bracelet pour que je puisse accéder au hammam et au sauna, sachant que c'était 12 euros de plus que le prix de la piscine. Ah, ouais, c'est pas mal. Trop sympa. Ah, bah, donc là, en fait, t'es en train de nous dire que tu voulais aller à la piscine une fois par an, ouais, mais que la vie a fait que en fait t'es pas allé dans la piscine mais t'es allé au sauna. J'y suis allée un petit peu plus que j'ai fait de longueur. D'accord. Mais je me suis demandé si j'hallucine ou si il me drague ou s'il me drague pas du tout, si j'ai une touche ou pas du tout. Il y a deux vues. Franchement, ouais, là-dessus, il y a deux vues. Soit effectivement il te drague, ouais, il t'a offert un cadeau et il te dit viens au sauna. Ouais. Soit il y a l'autre vue, il te file un bonnet de bain dégueu et il te dit casse-toi au sauna. Ah oui. Ah ouais. Il y a deux visions, ouais, et tu sais quoi? Chacun se fera sa vision. Chacun se fera son opinion. Ouais. Mais un bonnet de bain, c'est dégueu. Ouais. Allez, 6h08 au Funback sur Energy Paradise. Et juste après, dans 3 minutes, c'est les concours du jour. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling, taking my baseball cap. I 6h10, on va s'écouter DJ Snake. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Et avant ça, comme chaque jour, voici les gens improbables qui font des choses improbables. Ce sont les concours du jour. Alors, on démarre en Gironde. Un homme braque une banque de village et il réclame au guichet 15 000 euros. Et là, la banque lui dit qu'elle n'a pas cette somme. Ah, désolé, monsieur le braqueur, on n'a pas 15 000 euros. Donc le mec, il fait ok, alors 6 000 euros. Et là, la banque lui dit qu'elle n'a toujours pas cette somme. Et là, le braqueur dit ok, bon, bah alors je vais faire un retrait sur mon compte de 200 euros. Mais non. Oui. Et il donne au banquier sa pièce d'identité. Oh non. Pour montrer que c'est bien à lui le compte. Mais non. Le banquier lui donne les 200 euros et évidemment, bah après, il appelle la police puisque le mec a quand même donné son identité. C'est nul. Et il s'est fait arrêter. C'est surréaliste. Ah oui, c'est le mot. Aux Pays-Bas. Alors, cette histoire avait déjà buzzé. Mais là, on a le final. Un homme de 69 ans a demandé au tribunal à être officiellement rajeuni de 20 ans. Parce qu'il se sentait, je cite, physiquement comme un jeune dieu. Le mec disait, je me sens comme un jeune dieu. Et donc, il demandait à ce que sa date de naissance soit changée. Le tribunal a rendu son verdict hier. Et ben non. Ah bah non. Ouais. On ne peut pas, on est à une date, c'est comme ça. Bah point. Oui. Voilà, je vous l'annonce. Et puis ça se voit un premier rendez-vous, quoi. Si, je te jure que j'ai 20 ans. Bah non, madame. En tout cas, je me sens comme à 20 ans. Ouais. Et, alors là, je me sens mouillé. Non, franchement, Manu, pas de détails. Bon, bah, oui. Aux États-Unis, un homme est contrôlé par la police qui s'aperçoit qu'il a sur son siège arrière plusieurs cadeaux emballés. C'est Noël, donc il a apparemment fait ses achats de Noël. Sauf que ce jour-là, la police avait avec elle un chien renifleur qui tout de suite se met en position d'alerte. Et en fait, devant les cadeaux. Donc la police regarde les cadeaux, il commence à les déballer, ils s'aperçoivent qu'en fait les cadeaux contenaient 21 kilos de cannabis. Alors le mec a quand même tenté cette phrase géniale. C'était pour offrir à des amis consommateurs. C'est sympa. Non. Il est en prison. Allez, 6h13. DJ Steak arrive dans 3 minutes sur Énergie. Manu dans le 6-9. Ma Manu. Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 6h16, vous avez des complexes? Eh ben n'ayez pas peur, 0 870 42 48, vous nous appelez maintenant. Vous nous dites quels sont vos complexes et on va y trouver les avantages. Okay, absolument, allez, trouvons des avantages à nos complexes. J'ai un grenet, je sens mieux que vous. Voilà. Juste après DJ Snake. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él. Va. Oh, oh, oh, oh. I music, I flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where? But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Could keep it tight every day, and I know you need a taste. And now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. On va écouter The Prince Karma, ça arrive dans 3 minutes. Later, bitches. Mais avant ça, on parle de nos complexes. Oui. On le fait régulièrement dans l'émission, on parle de nos complexes et les autres essayent en fait d'y trouver des avantages. Oui, ça fait du bien. Et excusez-moi, on trouve toujours des avantages à nos complexes. Ouais. On démarre avec Julie qui est là au 0870 42 48. Bonjour Julie. Bonjour Manu. Salut tout le monde. Coucou. Salut. Bienvenue sur Énergie Julie. Quel est ton complexe? N'aie pas peur. Oui, alors pas simple. Moi, je mesure 1m80, c'est énorme pour une fille. Je fais la même taille que mon mec. Du coup, je mets jamais de talons, toujours des chaussures plates. Voilà, c'est pas évident. Parce que tu mesures 1m80. Ouais. Excuse-moi, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages à être grand. Ne serait-ce que des transports en commun. Tu prends le bus de temps en temps, Julie? Oui, ça m'arrive, ouais. Avoue que tu respires mieux que le mec en dessous. Non, mais parce que moi, je mesure 1m89 et je le sais et je peux dire que je l'apprécie. Ah, ben ouais. Ce 1m89 aux heures de pointe, tu te dis Ouh. Ah, ouais. Ah, oui. Non, et puis en termes de pieds aussi, Julie, c'est trop cool. Du coup, tu mets que les baskets, tu mets pas les talons qui font mal. Eh ouais, c'est vrai ça. Ah. Ouais, mais en soirée, j'aimerais bien mettre un petit peu des talons pour faire des jolies jambes, tout ça, mais bon. Dans les concerts ou au cinéma, tu vois forcément bien quoi. C'est comme dans les transports, t'es au-dessus, là t'es encore au-dessus. Ah, mais tu c'est vois vrai. L'écran, tu vois l'artiste. Julie, au cinéma, c'est important. Tu ne demandes jamais à la personne devant toi de se rabaisser. Toi, tu es la personne qui gêne les autres. Et tu peux aussi mettre des belles robes longues ou jupes longues, ce que les petites ne peuvent pas faire. Et ça, c'est super joli. Tu peux pas mettre de robe longue, toi? Ah, bah non, je peux. À 1m57, on me voit plus là avec une robe longue. Oui, mais toi, l'avantage du coup, excuse-moi, c'est que tu peux y aller avec 3 ou 4 copines. pour une robe. Les unes sur les autres. Julie, hein. Alors, un dernier avantage au complexe de Julie, Paulette. Au supermarché, tu peux attraper tout ce que tu veux, sans demander à personne. Eh ben, ouais, voilà. Ah, et en plus, au supermarché, si jamais tu mets des talons, tu peux même changer les ampoules tout en haut. Donc, tu vois. Ça va mieux, Julie? Oui, là, j'ai le moral, ouais. Merci de nous avoir appelés. On peut trouver des avantages assez complexes. Ouais. Mais oui. Benoît, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie Benoît. Quel est ton complexe? Bah, en fait, moi, c'est que j'ai 27 ans et ça fait 4-5 ans que j'ai une calvitie vraiment prononcée, quoi. Alors, c'est vrai que ça, c'est le plus gros complexe des hommes. Ouais. La plus grosse peur des hommes, c'est de devenir chauve. Les cheveux pour les hommes, c'est un truc de dingue. Bah oui, ouais. C'est vrai. Mais, Benoît, excuse-moi, par exemple, t'as une petite calvitie. Déjà, de base, tu peux faire le casting pour la pub Chaussée aux Moines. Ah oui. Alors, c'est cool. Ouais, ouais. Et alors, tu peux devenir une star. Une star de crâne. Oui. Mais une star quand même. Ouais, moins de risque de peau en plus, puisque moins de cheveux, moins de coiffeur aussi. Ouais. C'est tout bénef. Beaucoup d'économies. Énormément d'économies. Tu n'as plus à te retrouver au rayon des shampoings au supermarché en paniquant, en te disant mais c'est quoi tous ces shampoings différents? Tu t'en fous, toi, et tu vas t'acheter de bière. Avec modération. Et puis aussi, pas de cheveux blancs, Benoît, tu vois, moins de cheveux blancs. Alors, ça, c'est bien. Alors, le matin, c'est un gain de temps, Benoît, t'as moins de temps pour te coiffer, quoi, c'est cool. Tu vas beaucoup plus vite que les autres. Et puis, Benoît, jamais une fille ne te dira ce qu'elle me sort tout le temps. Oh, t'as des épis. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Benoît, Benoît, profite de ça. Ouais. Merci. Ça va mieux? Ouais, vraiment. Et ben voilà. On est là pour ça. Merci de nous avoir appelés. Ça fait du bien, non? Ouais. Encore un complexe, 1000 avantages. 6h23, on s'écoute Labrine Tessia sur Énergie. Soyez les bienvenus. Yeah.

Et c'est réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'Internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultables sur le site. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. On va écouter The Prince Karma. Tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore pas mal de nuages ce matin. Quelques gouttes aussi pour la Bretagne uniquement, mais le ciel devrait se dégager au fil des heures. Cet après-midi, on retrouvera donc de belles éclaircies, sauf en Bretagne, sous les averses encore une fois. Sinon, le soleil va briller dans le sud-est. Les températures restent douces pour la saison. Au max, il fera 9 degrés à Valenciennes, 13 au Mans, jusqu'à 15 pour Cahors. Difficile de trouver des interlocuteurs. La réunion entre le Premier ministre et une délégation des Gilets jaunes n'est pas annulée aujourd'hui, même si certains représentants ont décommandé hier à cause de pression en interne. Le gouvernement devrait présenter des mesures contre la vie chère avant demain. La mobilisation continue, en tout cas sur le terrain, avec des opérations coup de poing encore hier à la frontière espagnole ou en Bretagne. Des dizaines de stations essence sont en situation de pénurie là-bas. On n'oublie pas non plus les lycéens qui se disent solidaires. Une centaine d'établissements étaient bloqués hier pour dénoncer également la réforme du bac ou Parcoursup. Une situation insoutenable. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi surpeuplées. Plus de 70 700 détenus étaient incarcérés en septembre dans le pays pour seulement 60 000 places. Certaines maisons d'arrêt d'ailleurs sont plus touchées que d'autres, comme à Carcassonne, à Béthune ou à Nîmes. Environ 7 000 lits supplémentaires devraient être créés d'ici 3 ans. Deux actus foot ce matin, le Ballon d'Or et le sacre d'un Croate. Luka Modric, le milieu du Real Madrid, a décroché la récompense hier pour la première fois de sa carrière. Il devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann sur le podium. Kylian Mbappé, 4e, a reçu le trophée du meilleur joueur de moins de 21 ans. Et puis côté pelouse, ça joue ce soir en Ligue 1, début de la 16e journée, avec notamment Montpellier-Lille à 21h. Rendez-vous demain pour le PSG à Strasbourg, Marseille à Nantes, Lyon recevra Rennes. Encore quelques dates avant un repos bien mérité. Jane termine la première partie de sa tournée avec des concerts à Barcelone, à Milan ou encore à Cologne en Allemagne. Et depuis la sortie de son dernier album Soul Dior, la Toulousaine fait le tour de la planète. Elle a donné plusieurs concerts aux États-Unis cet automne. L'occasion pour elle de peaufiner son show et de découvrir un nouveau public. C'était génial. La tournée, c'est ce que je préfère. Et reprendre rendez-vous avec les gens, refaire partager en direct en fait, les émotions. Puis moi, retravailler aussi sur ce que j'ai envie de montrer aux gens, sur le spectacle en lui-même, trouver des nouvelles idées aussi pour que j'utiliserai plus tard. C'est quelque chose d'hyper motivant et voilà, qui m'a redonné un petit coup de fouet. Dans les grosses villes comme Los Angeles et New York, il y avait 60% de Français. Et puis le reste du temps, non, il y avait beaucoup plus d'Américains que de Français. Des fois, je me dis, tiens, c'est marrant, il rigole à des paroles que j'ai écrites, qui ne se passent pas forcément en France. Des fois, je réalise qu'ils sont en train de tout comprendre, de tout ce que je dis, et c'est cool. Bah, interview de Sonia de La Forterie, Jane qui va s'accorder une petite pause cet hiver. Elle reprendra la route de mars à juin dans toute la France. Fin de ce flash, bon réveil, bonne journée sur NRJ. Il est 6h35 minutes, c'est mardi aujourd'hui. Nous sommes le 4 décembre et les sondages du matin arrivent dans 5 minutes. Ce sera juste après The Prince Karma. Ouais. 2% des gens se sont déjà blessés dans un mariage en faisant ça. Wow. Ah, de quoi il s'agit la réponse? Eh ben c'est dans 3 minutes. Ok. Avant ça, quelques infos. Aujourd'hui, on est le 4 décembre. Est-ce qu'on a des anniversaires? Ah oui. Jay-Z? Oh, ah ouais. Jay-Z, le mari de Beyoncé, le producteur de musique. Ah ouais. Jay-Z, il a 49 ans aujourd'hui. Waouh. Celui qui a déjà vu Beyoncé toute nue. Bah oui. Enfin, qui la voit même tous les jours en fait. Ouais. En fait, pour lui, Beyoncé nue, c'est au quotidien. Ouais. Si ça se trouve, il lui a même déjà dit d'arrêter de se balader toute nue dans la maison. Non. Ah, mec. Incroyable. Je comprends pas comment tu peux penser à ça en fait. Alors la vérité. Marrant, ça part d'un anniversaire et bim, on arrive sur Beyoncé toute nue. Incapable de te dire comment ça marche dans ta tête. Vraiment incapable. Et okay. Je veux pas le savoir en fait. Je me pose pas la question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Non, je garde ça pour tout à l'heure. Ah ouais. Il est possible que j'ai déjà le nom de la prochaine Miss France. Arrête. Quoi, quoi encore oui. Mais non. T'as encore fait des pronostics de dingue. Il est. J'avais le bon gagnant de Danse avec les Stars. Bah oui. Je me rappelle grâce à des statistiques. Ouais. J'ai à nouveau des statistiques qui peuvent peut-être nous donner la gagnante de Miss France. Ah, ce serait fort. Là, ce serait fort. Ah. Mais ça va devenir chiant parce qu'à force, on va plus regarder aucun programme à cause de toi. Ouais. Bah, si, pour savoir s'il gagne. Ah, exactement. Ouais. Pour savoir si les statistiques sont bonnes. Okay. Ouais. Je garde ça pour un peu plus tard. Restez bien avec nous. J'aurai peut-être la prochaine Miss France. Ah, okay. Oui. Et quand tu regardes la photo, tu te dis oui. Ah ouais. Alors, un indice, c'est pas Clément Rémiens. Non, il ne peut pas tout gagner non plus. Okay. Je vous dis ça tout à l'heure. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Juste après The Prince Karma sur NRJ. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. On va s'écouter Maître Gims, le pire. Ça faisait longtemps. Ah ouais. Ça m'avait manqué de le faire. Le pire arrive dans 2 minutes. Avant ça, voici, comme chaque matin pour vous, les sondages du matin. Attention. Yes. 3 automobilistes sur 10 se disent incapables de faire cette tâche sur leur voiture. 3 sur 10. D'après vous, de quoi il s'agit, Nico? Le plein? Non. Elle est en panne, il faut en changer. Non, c'est pas ça. Ouvrir le capot. C'est vous trouver la trappe, là, je trouve jamais là. Alors non, ils arrivent à ouvrir le capot. C'est après que ça se complique. Ah. C'est changer le niveau d'huile. Non, mais c'est changer quelque chose. Et c'est changer l'eau, remettre de l'eau là. Jusqu'à où? Tu veux dire le liquide de lave-glace? Ah voilà. Voilà, Paulette, elle est un niveau dessus, elle connaît même pas le nom du truc. Ah ouais. Wow. Eh ben oui, 3 automobilistes sur 10 se disent incapables de changer le liquide lave-glace. Ah ouais. Mais alors cela dit, quand tu l'as jamais fait, t'es là, tu ouvres le capot, ça fait peur. Pff, tu sais pas où c'est. Vraiment. Mais il y a un logo normalement dessus. Sur le non mais déjà pour trouver le logo. Ouais. Attends, t'as pas de voiture toi? Bah si, j'ai une voiture chez mes parents dans le sud. Ah bah voilà, ouais. C'est moi qui m'en occupe. Parce que c'est la, t'as la même depuis tout le temps. Une fois qu'on t'a montré une fois, tu sais où elle est. Oui, c'est ça. Mais quand t'as une nouvelle voiture la première fois, tu sais pas où c'est. C'est pour ça que j'en change pas. Ok, je veux pas me défendre parce que moi je suis nul comme ça. Okay, mais quand même. Pardon. On est 3 sur 10 à être con, ok. D'accord. Enfin, j'ai dit on. Ouais. Il. Bon, bref, on passe à un autre. 2% des gens se sont blessés dans un mariage en faisant ça. C'est pas beaucoup. Mais 2% des gens se sont blessés à un mariage en faisant ça. En coupant le gâteau du mariage? Non. En portant des talons trop hauts? Peut-être. Peut-être que c'était une des causes, mais pas ça. Elle se prend les pieds dans la robe de mariée? Peut-être. Peut-être qu'elle s'est pris la robe de mariée, mais c'était en faisant quoi? Ça se passe pendant le repas ou c'est pendant la soirée? Ah, ça peut être à n'importe quel moment. Ça arrive de façon... Hop! Inopiné. C'est pendant la danse là d'entrée. Ah, on approche, ouais. Mais quelle danse précisément? À la chenille. Exactement. Ah oui. Et ouais. 2% des gens se sont déjà blessés dans un mariage en faisant une chenille. Ouais, ouais. C'est imprévisible une chenille. Il y a celui de devant qui freine, tu vois pas venir, paf, tu te le payes, tu tombes quoi. Mais c'est le nombre d'accidents annuels à cause des chenilles. On en parle pas. La réalité, c'est quoi? C'est ne lancer plus de chenilles. Oui aussi, oui. Il faut pas. Mais le vrai problème de la chenille, c'est qu'en fait tout le monde se sent capable d'aller faire la chenille. Bah oui. Et tout le monde tire tout le monde. Ouais. Et viens avec nous. Sauf que des fois on oublie que grand papa, peut-être qu'il va pas réussir à bien marcher dans la chenille. Ouais. Et il se retrouve là coincé entre deux personnes. Ouais. Et badaboum, grand-papa. Donc faites attention. Oui. 2% des gens se sont déjà blessés dans un mariage en faisant la chenille. Ouais. La meilleure solution, c'est pas d'arrêter la chenille, peut-être d'arrêter les mariages. Oh, non. Ah, oui. Ouais, en ce moment, je suis pas. Oui, ouais. Oui. Je suis pas au top. Ouais. Dernier sondage du matin. 3 couples sur 10 qui se disputent chez Ikea. Bah tiens, bah voilà, on est dans les couples. Ouais. Le font dans ce rayon. Dans quel rayon d'après vous? Dès l'entrée. Dès l'entrée. Oh, moi j'aurais dit dès le parking. La cuisine? Non, c'est pas le rayon cuisine. Non. Oh bah, salle de bain, tous les petits accessoires. Non. Les canapés? C'est pas le rayon canapé. 3 couples sur 10 qui se disputent chez Ikea le font dans ce rayon. Les chambres? Chambre à coucher? Le rayon literie. Ah ouais. Pour choisir le lit à ressort en latex, mémoire de forme, tout le bazar là. Oh là là là là, ouais. Oh là. Qu'est-ce que c'est compliqué de choisir un lit? Non, c'est vrai. Ouais. Hein. Oh. Allez, voilà. C'est vrai qu'il y a des mecs qui galèrent dans le monde et tout, tu vois, mais ils choisissent pas un lit. Tu fais bien d'en parler parce que hier je discutais avec un ami qui est éthiopien et qui ne mange qu'une fois par semaine. Ouais, c'est ça. Arrête. Et je lui disais. Putain, ça doit être dur quand même. Il me disait, non, nous on n'a pas de problème à savoir à choisir un sommier. Arrête, Manu. Comme nous on dort à même le sol sur le sable, on n'a pas ces galères-là. C'est ça. J'aimerais tellement pas avoir les galères d'Isa. Oh là là là là là là là là là là. Arrête. 6h43, Maître Gims tout de suite sur Énergie. Juste après, on va écouter les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous nous envoyez plein de messages pendant l'émission, en dehors de l'émission, Nico du Web. Écoute tout et il les partage avec nous. J'ai la meilleure histoire de PQ du monde pour vous. Histoire de PQ. Je sais faire rêver. Ouais. Ah oui. Ah bah parce que dans la même phrase, meilleure histoire et PQ, j'avoue, c'est la meilleure. Et ben on reste là parce que dans 3 minutes, on la veut cette histoire. Ouais. Juste après Maître Gims sur Énergie. Le pire, c'est pas la méchance des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Sur le divan, toujours la télévision. Au obligé de plisser les yeux. Rien à l'horizon, je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. C'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. 6h47, on va doubler votre salaire dans un quart d'heure. Ça va se passer à 7h05 et c'est peut-être vous qu'on va appeler en direct pour doubler votre salaire. Il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou malunans69.com ou l'application malunans69. Évidemment, c'est gratuit. L'application, elle vous sert aussi à nous envoyer des messages. Des messages vocaux. Vous n'hésitez pas à nous en envoyer. Nico du Web écoute tout. Il les partage avec nous. Comme les messages que vous envoyez aussi sur les réseaux sociaux, il les lit tous. C'est le moment de nous régaler. Quelle est la chose que vous faites et vous demandez si vous êtes le seul à le faire? On a fait ça hier dans l'émission. Exactement. Et on s'est bien aperçu qu'on était tous des gros ouin-ouin. Sur Facebook, il y a Cassandre qui dit: je tiens le bras du dentiste quand il s'occupe de moi. Ah, c'est mignon. Mais... alors attention, si elle le tient, c'est mignon. Si elle l'écrase, elle le serre comme ça jusqu'à lui couper la circulation, c'est dangereux. Ah, mais je suis avec toi, Cassandre, parce que plusieurs fois, moi, j'ai sorti le bras du dentiste. Ah ouais, tu ah le ouais, sors de ta bouche. Je le sors, je ne me contrôle plus moi. Chez le non mais c'est hyper dangereux. Bah ouais, je sais, il me déteste. Hein. J'ai changé plusieurs fois de dentiste, pas parce que je voulais changer, parce qu'il voulait plus que je vienne. Il aurait pu te couper la langue. Fais gaffe. Bah ouais. Fais gaffe. Il y a Océane aussi qui dit: je retiens ma respiration quand je passe sous un pont ou sous un tunnel. Ah, là ça peut être compliqué s'il y a des embouteillages, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis si tu conduis, ne le fais pas, quoi. Si t'es passager à la limite, c'est moins. Mais même passager bloqué dans un tunnel, à un moment, tu vas pas tenir 20 minutes. Hein. Oui, ouais. Oui. Non. Quelle est la chose que vous faites et vous demandez si vous êtes le seul à le faire? Il y a Romain sur Facebook qui dit: quand on me tire dessus dans un jeu vidéo, j'esquive la balle avec mon corps. Ah ouais. Mais oui, mais c'est quoi? Alors, pour le coup, vous avez jamais un casque de réalité virtuelle? Ouais. Pour jouer à un jeu, c'est flippant. Hein. Bah mais t'es tellement dedans que tu bouges, ouais, en fait. C'est ça. Ouais. Alors franchement, c'est génial les jeux de réalité virtuelle, mais t'as l'air d'un con. Ah ouais. Waouh. Mais tu t'en fous, personne te voit. Bon, sur le même sujet, on a reçu ce message vocal sur notre application Manuan 69. Bonjour mes ouin-ouin préférés. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que je suis la seule à me dire que mon jour de repos, je vais faire plein de choses parce que j'ai plein de choses à faire, et que finalement j'ai passé la journée dans mon canapé devant la télé à manger? Ah bah oui, ouais. Ça c'est le principe. On se dit: ah, ce week-end, je n'ai rien à faire, je vais en profiter pour faire toute ma paperasse. Ouais, c'est ça. C'est la phrase que je dis depuis le 1er septembre. Je ne vous prendrai pas de photos de mon bureau, on ne le voit plus mon bureau. Voilà. Bon, hier dans l'émission, on a aussi parlé des phrases qui nous énervent le plus. Bah, écoutez cet autre message vocal qu'on a reçu. Moi, la phrase qui m'énerve le plus, c'est: si t'es pas content, t'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. Mon ex me l'a tellement dit que c'est devenu mon ex. Et maintenant j'ai ma femme. Ah ouais. Ah, wow. Ouais. C'est radical. Hein, ok. Ouais. Il plaisante pas. J'espère qu'il a mis au courant sa femme. Ouais. Bon, grâce à notre application, vous pouvez aussi partager des moments de vie et même totalement improbables comme celui-là. Bonjour Manu. Je pense avoir fait l'affaire du siècle. J'ai acheté 150 lots de PQ pour 15 euros dans une vente aux enchères. Oh, dans une vente aux enchères. C'est improbable. C'est drôle, une vente aux enchères pour du PQ. Bah c'est ça, normalement t'as des œuvres d'art, t'as des meubles, t'as des trucs. Ouais. Bah, c'est PQ quoi. Après Van Gogh, passons à Moltenel. Mais ça, tu dois avoir honte d'enchérir là-dessus quoi. Tu sais, tu dois lever ta main mais discrètement quoi. Bah ouais, tu fais. Non, c'était pour le Van Gogh. N'hésitez pas à partager votre vie avec nous. Surtout et n'importe quoi. Ouais. Une vente aux enchères de PQ, ça marche. L'application Manu dans le 6-9. Vous avez la petite icône de micro. Vous appuyez dessus, vous envoyez votre message et on les écoute dans l'émission. Imagine Dragon sur NRJ. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark tree shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. Sur Énergie à 7h05 dans moins d'un quart d'heure. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct pour doubler votre salaire. Vous vous inscrivez énergie.fr ou Manu dans le 69.com. Je vous rappelle, c'est gratuit. Oui. Ouais. Ça va se passer dans moins d'un quart d'heure. On va écouter Kenji et avant ça, nous allons apprendre les choses. Ah, cool. Oui, parce qu'on rigole à gogo, à gaga, mais on peut aussi apprendre des choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La seule problème, c'est qu'on va apprendre des choses que je pense on aura oublié vraiment dans une minute. Aïe. Mais okay, c'est pas grave, sur le moment, on va apprendre quelque chose. Okay. J'ai trouvé sur internet une liste d'objets qui ont tous une particularité, on ne connaît pas leur nom. Ah oui. On les appelle le truc, le bidule. Ouais. Ah, le machin truc là. Ouais. Écoutez bien. Ouais. Le côté plat de la masse d'un marteau s'appelle la table et son côté opposé s'appelle la panne. Waouh. Ah ouais. Déjà, je vous ai perdu. Oui. Ok, plus simple. Plus simple. Ouais, okay. Vous voyez une ceinture? Oui. Ouais. Ok. Il y a les trous et la petite pointe qui rentre dedans. Bah ouais. La pointe qui entre dans les trous pour bloquer la ceinture a un nom. Oh, bah alors ça. Ça s'appelle un ardillon. Mais non. Hein, eh oui, un ardillon. Ah. Et c'est bien de le savoir, toutes les fois où on se casse l'ardillon et on se dit, ben. Tu casses l'ardillon, toi? Ah ouais, bah, j'ai plein d'ardillons qui ont sauté, ouais. Oh, c'est des ardillons de mauvaise qualité, ça. Ouais. Probablement, oui. Ah non, faut vraiment aller chez les très très bons fabricants d'ardillons, faut faire attention. Hein. Ne prends pas de. Non, parce que t'as des ardillons en plastique, toi, évidemment. C'est vrai, oui. Ah bah non, faut prendre de l'ardillon en fer forgé. Hein. Ah, voilà. On continue des objets dont on ne connaissait pas le nom jusqu'à maintenant. Ouais. Vous voyez tous un crayon de bois. Mm-hmm. Ouais. Bah oui. Vous voyez le crayon et la gomme. Ouais. Oui. Ouais. Entre le crayon et la gomme. Tu bois métal, le petit truc en fer. Exactement, il y a une petite bague métallique. Ah. Ouais. Et ben ça a un nom. Ça s'appelle une virole. Mais non. Oui. Oui, c'est une virole. Mais tu t'en sers ça dans la vie courante de la virole? Oui, c'est ça. Ah bah quand t'as un crayon et que la virole se barre, tu... Oh, sacré Birole. Ah ouais. Elle est partie. Oh, décidément, cette Birole, j'aurais mieux fait d'aller l'acheter là où j'ai acheté mon ardillon. Attention, vous voyez tous l'évier. Ouais. Ok. Et il y a les épluchures, les choses comme ça. Pour empêcher que ça tombe en dessous, on met un petit truc, en plastique, qui retient tous les trucs dégueux qui s'écoulent dans l'évier. Ouais. Bien sûr. Ça a un nom. Ça s'appelle une crépine. Une crépine. C'est dingue. C'est quand même plus sympa le bouche-évier, non? Alors, crépine. Tu fais comme tu veux, mais ça a un nom. Ouais, mais ça, faut le retenir, quoi. Vide la crépine, chérie. Non, c'est vrai. Faut retenir ce truc. Oui, je te conseille pas de le dire comme ça. Oui. Mais ouais. Ensuite, attention. Vas-y. Tout le monde voit ce que c'est qu'une cuillère. Oui. Oui. Oui. La partie de la cuillère la plus serviable s'appelle le cuilleron. Mais là, j'ai un problème. C'est que c'est quoi la partie la plus serviable d'une cuillère? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Peut-être celle vraiment par lequel on mange. Ouais, celle où tu mets les ingrédients, du coup, le côté où tu mets les ingrédients. Ouais. Ouais. D'accord, et ça s'appelle le cuilleron. D'accord. Et voilà. Moi, j'ai peur que si on parle comme ça avec tous ces mots de vocabulaire, plus personne ne nous comprenne, tu vois. Non, mais t'inquiète pas, tout le monde a oublié. Tu te rappelles le coup de la ceinture, le petit crochet, comment ça s'appelle? Rudillon. Voilà. Ça marche. Je vous avais raconté. On va être content d'apprendre qu'il y a des mots qui existent pour certains objets, mais on les aura oubliés une minute plus tard. Voilà. Et ben voilà, c'est fait. Kenji arrive pour vous. Ce sera juste après les infos. Il y a 7h05, on double votre salaire. Il est 6h57. Bienvenue sur Énergie. Manu dans le 6-9. Rejoignez-nous. 0870 40 48. Appel gratuit. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Maman, on mange quoi le 25? Fruits de mer. Le 25? Mais chez Ford, c'est Noël jusqu'au 17 décembre, ma chérie. Quoi? Et oui, au menu, c'est crédit à 0% et TVA offerte. Jusqu'au 17 décembre chez Ford, profitez d'un crédit 0% et de la TVA offerte sur plus de 2000 véhicules prêts à partir. Et mes fruits de mer? Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option. Crédit auto pour 10 000 euros empruntés, 2 000 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. Pardonne-moi, Johnny Hallyday. Si tu rêvais d'un autre moi, si je tremble, si je n'ai plus peur des adieux, j'en parlerai au Mon pays, c'est l'amour. Le dernier album de Johnny Hallyday. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël, chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20€ par mois pendant un an, puis 41€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Alors, un pommeau de douche pour papy, une poignée de porte pour ma tante, une penderie escamotable pour ma mère, un volet roulant pour Séverine, et pour moi, une nouvelle cuisine. Jusqu'au 31 décembre, c'est le Noël des prix bien faits chez La Paire. Et la pose de votre cuisine est à 1€. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, hey, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok, je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, bougez plus. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Soyez les bienvenus. Il est 7h01 qu'on amène le coq. On va écouter Kenji, il y aura le dernier David Guetta et on double votre salaire dans 3 minutes. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du mieux ce mardi avec une journée moins humide en prévision. Ce matin, le gris devrait l'emporter tout de même avec des averses sur la Bretagne aussi. Mais dans l'après-midi, on va retrouver de belles éclaircies sur la grande majorité du pays. Du soleil dans le sud-est, encore quelques gouttes dans l'ouest malgré tout. Désolé les Bretons. Même genre de météo demain avant une nouvelle dégradation jeudi. Les températures assez douces. Au max, il fera 11 degrés à Auxerre, 13 à Brest et jusqu'à 14 pour Fréjus. Une journée décisive pour le gouvernement. Édouard Philippe devrait faire des propositions dans les prochaines heures pour répondre à la colère des gilets jaunes. Il doit recevoir une délégation de manifestants ce mardi, même si certains représentants ont annulé leur venue à cause de pressions en interne. Hier, sur le terrain, environ 10 000 personnes occupaient encore des ronds-points ou des péages autoroutiers. Premières images de pénurie d'essence en Bretagne avec des restrictions à la pompe dans le Finistère notamment. Les lycéens, eux, se disent solidaires la plupart du temps des gilets jaunes. Ils ont aussi d'autres revendications pour appeler au blocage. La réforme du bac ou encore Parcoursup font toujours débat dans les classes. Une grosse centaine d'établissements étaient interdits d'accès hier, le double de vendredi. Il y a aussi eu des affrontements entre forces de l'ordre et lycéens en Seine-Saint-Denis, dans le Var et près de Saint-Étienne. Et ce climat social tendu aux abords des centres commerciaux a eu une incidence sur la collecte des banques alimentaires ce week-end. La récolte a été moins importante que prévu à la sortie des caisses. Malgré tout, plus de 10 000 tonnes de nourriture ont pu être mises à l'abri grâce à votre générosité. Ça représente 22 millions de repas pour les plus démunis. C'est la loose pour les Français. Antoine Griezmann 3e, Kylian Mbappé 4e. Le grand gagnant du Ballon d'Or cette année est croate. Il s'appelle Luka Modric et remporte le trophée pour la première fois de sa carrière. Le milieu du Real Madrid, triple tenant du titre en Ligue des Champions, a aussi perdu la finale du Mondial face aux Bleus. Mbappé au pied du podium est quand même reparti avec la récompense du meilleur joueur de moins de 21 ans. Félicitations aussi à la Norvégienne Ada Hegerberg, premier ballon d'or féminin de l'histoire. Un mot des matchs du jour, la 16e journée de Ligue 1 commence ce soir avec un choc entre clubs du top 5. Montpellier reçoit Lille à 21h. Paris jouera demain à Strasbourg, Marseille à Nantes et puis Lyon recevra Rennes. Qui représentera la France à l'Eurovision ? À charge pour Vita de le dire. La chanteuse intègre le jury de l'émission Destination Eurovision, dont le but sera de désigner notre candidat début 2019. Aux côtés de Christophe Willem et André Manoukian, elle livrera ses impressions sur chaque prestation, mais ce sont les votes du public qui feront la différence. Le concours européen de la chanson se tiendra en mai à Tel Aviv, en Israël. Et puis un film énergie pour finir, Nicky Larson, sorti prévu en février pour cette première adaptation du dessin animé sur grand écran. Philippe Lachaud à la réalisation, mais aussi au casting. Il y aura de nombreux guests, la liste s'allonge après Pamela Anderson ou encore Dorothée, Gérard Jugnot, Audrey Lamy et même Mehdi Sadoun de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu seront présents également. C'est la fin de ce flash, bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Soyez les bienvenus dans ce 4 décembre 2018. Bonjour mardi! Bonjour mardi! On va écouter Kenji, ça arrive pour vous dans quelques instants. Et juste après, je vais vous révéler le nom de la prochaine Miss France. Mais arrête. Wow. Allez là. Mais tu peux pas savoir. Je vous avais révélé le nom du gagnant de Danse avec les Stars dès le 22 octobre. Mmh. Ouais, c'est vrai. Je m'étais basé sur des statistiques, sur des études. J'ai fait la même chose pour Miss France. Ah, c'est fort. Et alors attendez, je vais faire un truc. Ouais. Mmh. Voilà, ça y est, c'est fait. Quoi? Je suis le premier de l'équipe à m'être abonné à la prochaine Miss France. Ah ouais? sur Instagram. Non, comme ça, vous pourrez pas dire « Ouais, mais moi, dès le début, j'étais abonné. » C'est moi qui suis abonné. Je vais vous révéler, selon des statistiques, qui a le plus de probabilité de gagner Miss France. Les statistiques que toi, tu as faites. Non, que j'ai trouvé. J'ai rien fait, d'accord. Moi. Ah d'accord. Oui, bah oui, moi le soir, ce que j'aime bien, c'est faire des probabilités et des statistiques. J'adore ça. C'est ma passion le soir. Non, je les ai récupérés. Okay. Avant ça, on va s'écouter Kenji, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9 pour vous inscrire. C'est évidemment gratuit et c'est ce qu'a fait Jennifer. Elle habite Biojac, c'est en Gironde. Elle a 32 ans et elle touche 1130 euros chaque mois. Jennifer, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention. Biojac en Gironde, ça sonne. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Je fais la blague du allô. Ouais. Ah oui. Allô ? Oui, allô ? Oh, c'est drôle. Allô ? Oui ? Vous voulez essayer ? Ouais. Vas-y, dis. Allô ? Allô ? Oh, ça marche ! C'est trop bien ! Oh, la blague du halo, allez ! On devrait le faire tous les jours à la radio. Ah ouais, oui ! On continue un peu, qui quelqu'un veut faire ? Ouais. Nico, vas-y ! Allô ? Allô ? Oh, ça marche ! Oh, la blague du halo, allez ! C'est génial. On est en train. C'était pas prévu. C'est un peu ça la radio, la magie de la radio, c'est qu'en direct, on peut faire des trucs qu'on n'avait pas prévu. Oh, là, tu veux essayer, Paulette ? Oui ! Vas-y. Allô ? Oui ! Oh ! Elle a dit oui ! C'est génial ! Elle a dit oui ! Ça marche, le mec du halo ! Isabelle, vas-y, fais-le, désir. Non, j'ose pas. Moi. Allez, vas-y. Allez. Bon, allô, coucou. Oui, coucou. Oh, c'est génial, en plus, elle te fait un allô, coucou. Ah ouais. Ah. C'est Jennifer. Oui. Bon, déjà, pardon. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et bah voilà Jennifer. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mmh. Allô ? Oui. Ça marche ? Vous avez vu ? C'est la blague du allô. Jennifer, bah si c'est possible, tu t'es inscrite ? Oui, tout à fait. Et bah voilà, bah c'est le principe. Tu t'inscris, t'as peut-être une chance sur 1 million, mais cette chance tu l'as prise. Ça fait 8 ans que c'est comme ça et on continue. C'est gratuit, tu t'inscris, bim, t'as été tiré au sort. 1130 euros x 2, ça va faire 2260 euros qui arrivent pour toi. Merci Manu, merci. De rien. Jennifer, tu es vendeuse chez Jouet Club. Oui. Wow. Alors, on rappelle évidemment, parce que souvent les questions se posent, les enfants se posent la question. Ouais. Comment ça se fait que le Père Noël nous apporte des cadeaux, mais qu'il y a des magasins de jouets? Alors, la réponse, elle est très simple, si je peux me permettre, Jennifer. Petit 1, c'est pour que les enfants voient et aient des idées de cadeaux à demander au Père Noël. Bien sûr. Oui, et ensuite, c'est aussi pour que les parents entre eux s'offrent des cadeaux. Mmh. Voilà. Ben oui, parce que nous, le Père Noël. Il nous offre pas de cadeaux. Il le fait que pour les enfants. Donc nous, nos jouets, on est obligé d'aller voir Jennifer pour les acheter. Ouais. Voilà. Et moi, je suis là pour aider le Père Noël quand il y a besoin, quand il est vraiment trop occupé. Sympa ça. Eh oui, on fait du thème. Alors ça, Jennifer, c'est beau. Ouais, c'est cool. C'est ce qu'on appelle de la solidarité. Tu veux dire qu'il y a des fois, le Père Noël, les gens, il débordait, il t'appelle et il fait Jennifer, faut que tu me files un coup de main, j'en peux plus. Il nous envoie les petites lettres. Donc, suivant la liste, ça peut tomber sur n'importe quel enfant. On fait la liste du petit enfant. Oh, et il vient le chercher la veille de Noël. C'est génial. Ah, c'est cool, ah ouais, ça. C'est pratique. Et tu le fais, tu fais comme ça, juste pour l'aider, quoi. Pour l'aider. C'est beau. C'est la magie de Noël. Ah ouais. Eh bien, Jennifer, bravo à toi. Bravo. 2260 euros, on te double ton salaire. Merci, Jennifer, on te souhaite une belle journée. Bravo à toi. Merci beaucoup, Manu. Gros bisous, 7h09. Gros bisous à tous. Ça peut vous arriver. Jennifer, allô ? Oui. Oh, la blague. Non, ça c'est... Je suis d'accord, j'arrête. Tout à l'heure à 8h05, c'est peut-être vous qu'on va appeler pour vous aussi doubler votre salaire. Tout de suite, c'est Kenji. Juste après, attention, je vais vous révéler qui selon les statistiques et les probabilités depuis des années, ouais, devrait devenir Miss France. C'est dingue. Et oui. Wow. Oh, peut-être que j'aurais raison, peut-être que je vais me gaufrer comme une merde. On verra. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon Il est 7h13, le moment est venu. Ah, allez, woohoo. Avant d'écouter le dernier David Guetta, le moment de la révélation est arrivé. Ouais. J'avais, grâce à des statistiques, ouais, découvert dès le 22 octobre le gagnant de Danse avec les Stars. C'est vrai, ouais, mais là t'as eu raison en plus. Là, pour le coup, ouais. Clément Rémiens, on avait le nom dès le 22 ouais, octobre. Ouais. Ouais. Statistiquement, c'était un homme qui avait dansé avec telle personne, etc., etc., etc. Ouais. Est-ce que ça va marcher pour Miss France? C'est la question que je me pose. C'est génial, t'es en confiance là, ça se voit. Ouais, t'arrives, c'est clair. T'arrives un peu fier comme ça, tu sais que t'as les statistiques quoi. Écoutez, ouais, voici selon les statistiques, la prochaine Miss France, ouais, je vais vous la révéler. Mmh. Maintenant, les statistiques peuvent se tromper évidemment. Ouais. 40% des Miss France ont été élues à 19 ans. 25% des ex-Miss France mesurent 1m79. Ouais. 70% des Miss France sont brunes. Ouais. Et 40% ont fait des études de commerce et de droit. Celle, l'unique, qui a tous ces critères, ouais, c'est Miss Rhône-Alpes, Police Yaniro. Pauline. J'ai dit Police ? Ouais. Ouais. Eh bien, je voulais dire Pauline. Appelez-la Police. Ah. Alors, attends. Ouais. Police Yaniro. Pauline, pardon. Police Yaniro. Vous pouvez aller la voir. Pauline. J'ai dit police, ouais, oui, ouais. J'ai un problème. J'ai un souci de PV en ce moment. Ouais. Ouais, Mimi. Alors, Pauline Yaniro, Miss Brest 2018, Miss Pays de l'Ain 2018, Miss Rhône-Alpes 2018, candidat pour Miss France 2019, Miss Manu 2019. Elle est magnifique. Elle est très belle. Oui. Alors, hyper jolie. Bon, en général, c'est rare qu'elle soit pas jolie à Miss France. Oui, c'est sûr. De toute manière, c'est la base. Statistiquement. Pauline, tu seras la prochaine Miss France. Waouh. Wow. Incroyable. Voilà. Il y en a peut-être qui vont abandonner du coup. Peut-être qu'ils vont abandonner les compétitions. Peut-être qu'elles vont toutes abandonner et que Pauline va se retrouver toute seule avec Jean-Pierre Foucault. Non, écoutez, après c'est statistique, on va pas influencer. Oui, non. Oui. Statistiquement parlant, ça pourrait être elle. Pauline devrait être la prochaine Miss France. Mmh. C'est cool. En même temps, elle est très jolie, hein. Oh, ouais. Il y a des photos d'elle en pompier, dis donc, elle est très belle. Hein. Elle est magnifique. Ouais. J'adore, franchement, les pompiers, je vais acheter le calendrier cette année, un truc de dingue. Je vais en acheter 4. Si t'as encore raison, je fais ce que tu veux. Non, oh, non, mais j'écouterai tout ce que tu dis, quoi. Je fais pas ce que tu veux. Oulala. Bon, bref, ça sert à rien ce que tu viens de dire. Quoi. C'est quoi, si j'ai gagné, d'accord, tu le parles plus. Merci Paulette. Ouais, de rien. Écoutez, c'est bientôt, c'est le 15 décembre, non? Je mais crois, oui. Miss France. Ouais. Donc rendez-vous dans 10 jours pour savoir si les statistiques avaient raison. Si elles ont raison, je l'aurais dit. Ouais. Si les statistiques ont tort, toi, tu te seras trompé, Glandu. Bah. Allez, on revient tout de suite. Le nouveau David Guetta arrive dans 3 minutes sur Énergie. Manu dans le 6-9. C'est Manu, c'est Manu, c'est Manu, Manu. Énergie. On peut me déranger pendant un match de foot, j'ai l'habitude, mais jamais quand j'écoute tranquillement Manu dans le 6-9 sur Énergie. Jamais. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et hier, c'était la cérémonie du Ballon d'Or. Ça s'est passé à Paris, c'était diffusé sur l'Équipe TV. Et le oui. gagnant, c'est Modric. Ouais. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, Paulette? Je l'adore. C'est 7h19, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Attention, comme chaque matin, c'est l'appel automatique de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui dire que sa commande d'agrandisseur de pénis est enfin arrivée. Ouais. Ah. Évidemment, il n'a rien commandé. Oui, allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Notre cabinet de chirurgie esthétique a bien validé votre opération pour augmenter la taille de votre pénis. Je vous demande pardon ? Votre demande concerne une augmentation pour passer à un pénis taille cheval. Ah, vous faites erreur, madame. C'est à quel nom ? Nous vous félicitons pour votre choix. Bravo, monsieur Cheval. Non, non, mais il n'y a pas eu de demande d'opération de chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. C'est une erreur, madame. À l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous offrons l'option boule de Noël. Le troisième testicule est offert. Non, non, mais il n'y a pas d'offre de fin d'année, il n'y a pas d'opération de chirurgie esthétique. On va pas toucher à quoi que ce soit. Nous vous félicitons pour votre choix. Vous êtes sur un numéro privé avec tous les appels qui sont enregistrés par la gendarmerie. Bonne journée, madame. Au revoir. C'est quoi ce foutage de gueule ? L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. C'est tous les matins, 7h21. Juste après David Guetta, on va faire un avez-vous déjà ? Ouais. Ah, je vous pose des questions qui commencent toutes par avez-vous déjà et vous y répondez. Parce que si ça vous est déjà arrivé, vous êtes obligé de le dire. Sinon, vous avez un gage et vous avez des cornes qui vous poussent sur les fesses. On va te répondre. Alors, franchement, du coup, faudra pas vous asseoir sur les gens. Du coup, après, c'est juste après David Guetta. Bon réveil. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you really being honest, if you really want this. Ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Bienvenue sur Énergie. On va se faire un avez-vous déjà dans quelques minutes. Le principe, ouais, il est simple. Je vais vous demander si vous avez fait les choses et vous me répondrez oui ou non. D'accord, ouais, c'est simple en fait. Mais faudra en faire un peu plus, sinon, ouais, ça va être un moment chiant. Voilà, c'est ça. Avant ça, quelques infos. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Ah, nous avons une journée mondiale, les amis. Ah, c'est, oui, quoi ? Oui, journée mondiale du sapin. Ah oui. Ah ouais. À 20 jours du réveillon, on est dans l'actu. Ouais, okay. Voilà, enfin c'est sympa parce qu'on fête le sapin en même temps, on les découpe tous. C'est pas très cool. Bon après, vaut mieux célébrer le sapin de Noël que célébrer l'expression ça sent le sapin. Ah oui, ouais. c'est sûr. Ouais. Voilà. Et nous allons passer à une autre info. Merci Manu. Je vous en prie. J'ai une info, reine d'Angleterre. Ah. Ah ça j'aime bien. Écoutez bien, parce que c'est dingue. La reine, à chaque Noël, offre un cadeau de Noël à chacun de ses employés. Ouais. Et pas n'importe quoi. Ah bon ? Ce qu'ils veulent. Sérieux ? Incroyable. Et attendez, c'est pas fini. À Buckingham Palace, il y a 500 employés. Mais non. La reine d'Angleterre offre un cadeau de Noël chaque année à 500 employés. Ce qu'ils veulent. Putain, celui qui choisit le porte-clés, il est con. Ah ouais. Ou alors il est fan de porte-clés. Ouais, mais bon. Mais elle peut couler le royaume comme ça. Alors elle peut. Je pense qu'il y a un niveau quand même. Tout le monde ne demande pas des avions par exemple. Oui. Ouais. Bah, pourquoi ? Ils sont bêtes. Et bah non, c'est que je pense qu'il y a un niveau. Ils sont bêtes. Il y a un plafond. Oui, et puis après, t'as besoin d'autre chose que d'un avion. Par exemple, si tu prends un avion, il faut savoir le piloter, tout ça. Tu le revends sur le bon coin. Oui, bien sûr. Ce que j'aime bien, c'est Paulette. Paulette, c'est une des rares personnes au monde, quand elle dit une connerie, elle continue. Ouais, c'est ça. Parce que normalement, tu dis une connerie, tu fais ah ouais, excuse-moi, j'ai dit une connerie. Non, Paulette, non. Elle continue. Elle va jusqu'au bout. C'est souvent qu'on voit les avions en vente sur le bon coin, quoi. Avions sur le bon coin. Franchement, il y a bien plus d'avions que de meubles télé. C'est ça. Ouais. Voilà, bah tiens, ma glandu, cela dit, ça peut être intéressant pour toi. Tu voulais une PS4. Ah ouais ? Bah, t'as 20 jours maintenant, puisque ça va être Noël dans 20 jours. On peut embaucher. D'abord, tu démissionnes d'ici. Ah. Et ensuite, tu te fais embaucher par la reine. C'est pas incompatible les deux. Non, si, c'est quand même. Vas-y, bien, bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu ? Un sondage sur l'amour. Ah, bien, c'est chouette. C'est Opinionway qui l'a fait. Selon ce sondage, 60% des Français pensent, en fait, assurer quand ils font l'amour. Ouais. 60% des Français se disent, ouais, quand je fais l'amour, j'assure. Ouais. D'accord. Ouais. Bah oui. Bah quoi ? Non, vous en faites partie donc. Hein. Bah oui. Oh, ouais. Alors, vous avez loin de le dire. Bah, ouais. Par exemple, moi, on m'a jamais dit que c'était pas bien. Donc je pense que j'assure. Oui, mais quand le mec te fait une petite tape derrière la tête en faisant, allez, ça va. Oh, eh ben ça m'est jamais arrivé, je te ferais dire. Je déconne. Quand on est deux à avoir le cœur qui palpite et qu'on est heureux dans un moment d'émotion comme ça, on sait que c'était bien. On n'a pas besoin d'un sondage. Oh, tu sais, j'ai aussi le cœur qui palpite quand je cours un peu trop vite ou quand je monte les escaliers. Hein. C'est romantique. Ça, le cœur qui palpite, franchement, ça ne veut rien dire. Hein. Bon, 60% des Français pensent assurer quand ils font l'amour. Une grosse pensée aux 40% restants, au moins ils ont un truc bien à eux, l'honnêteté. C'est vrai. 7h27, on revient tout de suite. On va écouter Jean Gézra. Et on va jouer au jeu des 5 mots, c'est bientôt, c'est dans 10 minutes. Oui. On vous offre la console de jeu de votre choix. 0 870 42 48, à tout de suite. Énergie vous souhaite un joyeux Noël. Petit papa Manu. Avec Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Vous êtes invité à la Énergie Live Session de Soprano. Salut, c'est Soprano sur Énergie. De son nouvel album, Soprano invite quelques auditeurs d'Énergie pour une live session exceptionnelle à Marseille. Ouais. Gagnez vos invitations maintenant sur énergie.fr. Ah, c'est trop bien! La Énergie Live Session de Soprano le 12 décembre. Un événement. Énergie Hit Music Only. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous n'avez qu'un seul cadeau pour faire l'unanimité, nous, on propose la télé connectée Samsung 138 cm Ultra HD à 699€. Et à ce prix-là, c'est toute la famille qui va en profiter. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur Conforama.fr. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ce temps de chien, brrr, ça hérisse le poil. Heureusement, Feu Vert et Michelin en font plus pour votre sécurité. En ce moment, en exclusivité chez Feu Vert, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin été, Cross Climate et hiver. 80€ offerts, c'est ça la patte de l'expert. Valable en chèque cadeau ou jusqu'à 80€ en bon d'achat. Voir sur feuvert.fr. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, staff Lelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin. Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre. Si, si. Mais le plus fou, c'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€.

françaises n'ont jamais été aussi surpeuplées. La preuve, 70 700 détenus étaient incarcérés en septembre dans le pays pour seulement 60 000 places. Certaines maisons d'arrêt sont plus touchées que d'autres, comme à Carcassonne, à Béthune ou encore à Nîmes, avec un taux d'occupation de 200%. Environ 7 000 lits supplémentaires devraient quand même être créés d'ici 3 ans. On parle sport et foot ce matin avec une récompense. Le Ballon d'Or, le trophée individuel le plus prestigieux, a été décerné hier à Luka Modric. Le Croate du Real Madrid devance Cristiano Ronaldo, deuxième, et Antoine Griezmann, troisième. Kylian Mbappé, quatrième, a reçu le prix du meilleur joueur de moins de 21 ans. Le Parisien sera demain à Strasbourg en championnat avec son club, le PSG. La 16e journée de Ligue 1 débute en fait ce soir avec un choc entre Montpellier et Lille, deux équipes de haut de tableau, à suivre dès 21h. De Los Angeles à Paris, elle ne lâche pas son bleu de travail. Jane poursuit sa belle aventure avec une tournée mondiale pour présenter son dernier album, Soldier. Un disque très personnel, mais un véritable travail d'équipe. Et pour cette aventure, la Toulousaine s'est entourée d'un tas de musiciens, mais aussi de la créatrice de mode Agnès B., l'une de ses idoles. C'est vrai qu'Agnès B m'a toujours énormément soutenue dès les tout débuts. En fait, ma première robe noire et blanche, c'est elle aussi qui l'avait faite. Et quand elle m'a proposé de faire une collab pour cet album Soldier, moi j'ai foncé parce que évidemment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi j'adore le street art et voilà, ça a été une grande pionnière parmi les street artistes, notamment parisiens. Avoir la chance de travailler avec quelqu'un comme ça, c'est une opportunité incroyable et j'y suis allée à fond. Je suis arrivée chez elle sur son bureau, j'avais fait plein de dessins et je lui ai ramené. Elle a choisi celui qu'elle préférait, qui était la colombe et qui était aussi le symbole de cet album. Et voilà, on est parti sur ce thème-là de la colombe et de la paix et de l'amour. Voilà, Jane qui termine sa tournée par l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Elle sillonnera de nouveau la France dès le mois de mars. 7h36, fin de ce flash, mardi 4 décembre. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. Il est 7h36, dans 4-5 minutes, même pas, nous allons vous offrir la console de jeu de vos rêves. Oui. Celle que vous allez choisir. On va jouer au jeu des 5 mots comme chaque matin. Vous nous appelez 0870 42 48. C'est gratuit, je vous rappelle quand vous nous appelez chaque matin. Ouais. On joue et vous repartez avec la console de jeu, celle que vous voulez. Mm-hmm. N'importe laquelle, vous nous dites, bim, on vous l'offre. 0-870-42-48. Évidemment, pour l'avoir, il faut gagner au jeu des 5 mots. Ouais. Ce sera juste après Georges Ezra. Avant ça, on devait faire un avez-vous déjà, mais on le fera plus tard. Ouais. Okay. Okay. Si tu oui, ouais, je suis un peu dingue. Okay. J'aimerais qu'on fasse autre chose. Mm-hmm. Quelle est la chose la plus folle que vous avez vécue dont vous vous souviendrez toute votre vie? On l'avait déjà fait une fois dans l'émission. Ouais. On avait des histoires de dingue. Ouais. Et ben c'est reparti. 0-870-42-48. Vous avez vécu quelque chose de dingue. Vous avez vu quelque chose de dingue. Ça peut. Ou alors quelqu'un a vécu que vous connaissez. Vous connaissez une histoire incroyable. Uh-huh. 0-870-42-48. Quelle est la chose folle que vous avez vécue dont vous vous souviendrez toute votre vie? T'en as une, Nico? Ah ouais. Bah moi je vous l'avais déjà dit, mais j'ai fait pipi dans les toilettes de Mick Jagger. Ah oui, le chanteur des Rolling Stones. Oh. Cette histoire, elle est dingue. Ouais. C'est ouf. Hein. Parce que quand quelqu'un te dit ça à un dîner, j'ai fait pipi dans les toilettes de Mick Jagger. Mais oui. Il y a un moment, c'est compliqué de dire quelque chose derrière. Ouais. Moi, je vais reprendre des tomates mozza. Faut que tu racontes. Ouais, faut que je raconte pourquoi. C'est qu'en fait, dans le sud, mes parents habitent dans le sud de la France. Moi, j'ai grandi dans le sud. Et il y a Mick Jagger qui a une maison justement à côté de celle de chez mes parents. Ouais. Et quand j'étais petit, moi, je jouais de la guitare justement sur la plage. Et j'ai rencontré comme ça la fille de Mick Jagger qui a quasiment le même âge que moi, qui s'appelle Georgia Jagger. Et on jouait de la guitare sur la plage et un jour elle m'a invité chez elle et j'ai fait pipi, je suis allé faire pipi, j'étais tout seul dans les toilettes quoi. C'est cool. Mais incroyable. Tu savais qui était son père? Ah bah oui, évidemment, mais je le chanteur d'un des plus grands groupes de rock au monde. Ouais. Bah oui. Lui, il était très rarement là en fait, il venait avec tous ses potes, justement tous les membres du groupe, quand il faisait les tournées en France, quand il jouait à Marseille ou Nice, il venait dormir ici. Et t'as fait pipi dans les toilettes de Mick Jagger. Ils sont hyper grands les toilettes quoi. Genre grand, mon appart? Alors non mais genre la chambre de chez moi quasiment quoi. C'est un truc énorme avec une bibliothèque à l'intérieur. Mais c'est quoi? Pourquoi? Il y a des gradins ou quoi? Ah non, mais t'as une bibliothèque à l'intérieur, je sais pas pourquoi. C'est ouf. Wow. Est-ce que t'as fait comme Manu, t'as ouvert tous les placards qu'il y avait dans les toilettes? Ah bah non, moi, non, j'ai pas osé. Ah ouais. Et il y a des magazines un peu honteux, le papier toilette il est rose, il est blanc. Mais attends, mec, le papier toilette, t'as quelqu'un qui te l'apporte? Ouais. Mais c'est comme au restaurant les toilettes de Mick Jagger. Ils arrivent, vous prendrez lequel? T'as un menu. Et tu regardes. Simple épaisseur, double épaisseur, triple épaisseur. Tu choisis. Ouf. Et ensuite ils arrivent comme l'été au restaurant, c'est dans les boîtes. Ouais, voilà. Vous choisissez. C'est ça. Tu peux tester. Non, c'est génial. C'est trop bien. Quelle est la chose la plus incroyable que vous avez vécue dont vous vous souviendrez toute votre vie? 0 870 42 40. Vous pouvez nous appeler. Dans 3 minutes, c'est le jeu des 5 mots juste après Georges Ezra. C'est Énergie, bon réveil. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Bienvenue sur Énergie, il est 7h42. On va écouter Drake dans 3 minutes. Et avant ça, la console de jeu de vos rêves, elle est pour vous. Attention, nous avons Lila au téléphone. J'adore ce prénom. Ah ouais. Très joli. Bonjour Lila. Salut Manu, salut les ouinouins. Salut. C'est cool que prénom Lila, c'est joli. C'est joli, hein, comme la fleur. Ah oui, effectivement, oui, c'est, oui. Parce que si on dit comme l'animal, c'est chelou. Lila, tu vas jouer au jeu des 5 mots avec nous ce matin. Quelle est la console de jeu de tes rêves ? La PS4 Pro ! La PS4 Pro ! Qui n'a rien à voir avec la PS4 Pro. C'est la PS4 Pro ! Lila, elle est peut-être pour toi dans 2 minutes. Les règles du jeu des 5 mots, je les rappelle. Quelqu'un de l'équipe va sortir maintenant. Ce quelqu'un, c'est Nico. Allez, c'est parti ! Attention. On va gagner là ! Nico sort du studio, on attend que la porte se ferme. Courage Nico, courage ! Alors là, il t'entend plus puisque la porte est fermée. Lila, il est dans le couloir, il n'entend plus ce qui se passe à l'antenne. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Nico revient. Je fais pareil avec lui. Dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. Lila, es-tu prête ? Je suis prête. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Épée. Couteau. Créativité. Originalité. Cérémonie. Messe. Banquier. Argent. Front. Front. Front. Tête. Ah ouais. Je veux pas m'avancer. Ouais. Mais là, on est bien. Ouais, je trouve aussi, Manu. Vraiment. Ouais. Lila, on est au top. Attention. Je croise les doigts. Allez, Nico. Ouais. Nico est de retour. Je suis au taquet, là. Nico, je compte sur toi. Et je compte sur moi. Nico, je pense qu'il a, il faut te prévenir. On a besoin de te prévenir. Vas-y. Ça n'aura jamais été aussi dur. Mais non. Pourquoi tu me dis Lila a bloqué sur 3 mots. Non. Il y a eu 3 buzz. Sérieux ? Donc tu n'as que 2 mots qui n'ont honnêtement rien à voir. Non, franchement, Lila, on peut le dire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, faites pas ça, tu vous savez que je suis sensible. Ouais, arrête. Je suis sensible. Pardon. Allez. Faut pas nous déconcentrer, le Nico. Lila était très bonne. Ouais. C'est parti. Allez. On joue au jeu des 5 mots pour la PS4 de Lila. Nico, tu donnes tout. Ouais. Épée. Combat. Oh. Ah. Lila avait dit couteau. Ouais. Ah ouais, ok. Créativité. Oula. Imagination. Lila avait dit originalité. Ouais, ouais, ouais. Il compliqué. Reste 3 mots, pas de panique. Ouais. Compliqué, compliqué, vas-y. Cérémonie. Mariage. Oh. Lila avait dit messe. Ah ouais. Il reste 2 mots. Allez, okay. Alors, allez. Pas de panique, mais un peu quand même. Ouais, j'avoue la pression. De... 2 mots. Banquier. Argent. Et où l'argent ? Le dernier mot. Oui. Front. Front. Tête. Ah oui. Ah oui. Bah, ouais. Cool. Génial. 2 mots sur 5. C'est pas mal. Ah ouais. On est bien. Et ça suffit de toute manière pour toi, Lila, la PS4 Pro. La PS4 Pro. Elle arrive très vite pour toi. Bravo à toi, Lila. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Merci beaucoup, gros bisous à tous. Eh ben, gros bisous, Lila. Bravo à toi. Demain, le jeu des 5 mots revient et on vous offrira encore une fois la console de jeu de vos rêves. Juste après, Drake, vous nous racontez la chose que vous avez vécue dont vous vous souviendrez toute votre vie. 0 870 42 48. On va écouter vos histoires. And I need you, and I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when it's stopping. And when you get to top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Bienvenue sur Énergie. Ça, ça va vous faire la journée. Ah ouais. Ah bah oui. On s'en lasse pas, hein. Non. Ils sont là, ils sont bien, c'est frais, ça envoie. Trois cafés gourmands, on va se les écouter dans un instant sur Énergie. Mais avant ça, vous nous racontez des choses que vous avez vécues, vous nous racontez les histoires que vous avez vécues qui vous marqueront à vie, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Oui. On a Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Salut Manu, salut les Wawa. Salut. Bienvenue sur Énergie, Carole, on écoute ton histoire. Bah alors écoute, moi c'était j'habitais en Australie et j'ai vécu une alerte aux requins. J'étais en train de nager et là tout le monde a paniqué et j'ai nagé le plus vite possible et c'était vraiment le moment le plus flippant de ma vie. Mais genre t'es dans l'eau, tu nages et d'un coup t'entends attention, des requins dans l'eau et vous devez tous sortir de l'eau. C'est exactement ça quoi. Ah ouais. Oh l'angoisse. Oh l'eau. Mais genre vous étiez plein à nager vers le bord quoi, il y en avait d'autres derrière toi ou c'était la dernière? Ouais, alors après voilà, sur les plages australiennes, on n'est pas super nombreux mais ouais, il y avait quand même du monde et je t'avoue que j'ai pas vraiment regardé qu'il y avait devant. Alors, derrière. Je rappelle le plus important dans une attaque de requin, c'est pas de nager vite, c'est de nager juste plus vite qu'une personne. Ouais. Oh. C'est vrai. Merci de nous avoir appelé, Carole. Belle journée à toi. Martin, bonjour. Salut Manu. Quelle est l'histoire que tu as vécue dont tu te souviendras toute ta vie? Alors l'histoire, c'est que j'ai fait un massage cardiaque pour réanimer une personne. Oh la classe. Mais genre... ça lui a sauvé la vie. Mais ah oui, j'imagine. Ouais, oui. Mais comment tu savais, t'es pompier ou t'avais un... Bah, j'avais fait une formation de secourisme là. Et ben voilà. On fait tous. Oui, ah ouais, les formations de secourisme, ça sert. Hein. Bah ouais, franchement, ouais. Et elle est tombée, et réflexe, foncé, j'ai fait le massage jusqu'au pompier qui arrive. Oui, toutes ces formations de secourisme, c'est hyper important. Mais oui. Mais ouais. J'ai été scout, on nous a appris des trucs de secourisme et à faire des nœuds. Pour l'instant, je me sers que des nœuds. Mais bon, ça avance. J'avance doucement. Merci de nous avoir appelé, Martin. Naomi, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wouin-Wouin. Naomi, tu as vécu une histoire dont tu te souviendras toute ta vie, on t'écoute. Alors moi, l'histoire incroyable que j'ai vécue, c'est que j'ai participé il y a 2 ans à une télé-réalité, Les Princes de l'Amour. Donc en fait, c'est des vacances, tout frais payé, en étant payé. Ah ouais. C'est génial. C'est génial. Et les Princes de l'Amour, attention, parce qu'en même temps, je suis sur Google. Hein. Si je tape Naomi, Princes de l'Amour, je te vois. Oui, normalement oui. Ah génial. Bouge pas, hein, je... Oh bah dis. Alors donc. Pardon, excusez-moi. Je sens qu'il y a coup de foudre. Escar. Excusez-moi, j'aimerais pas la nommer deux secondes. Ah oui. Ne soyez pas jaloux. Vas-y. Ah non mais t'es très très très jolie. Ah ouais. Bah merci. J'espère que c'est de la fausse fourrure, hein. Ah. Oui. Évidemment. Ah, d'accord, très bien. Excuse-moi, je parle avec Noémie de photos. Hein. Ah bah, Noémie, Prince de l'Amour. Ah ouais. Et t'as trouvé l'amour alors, Noémie? Bah non, malheureusement, pas dans l'émission. Ah, mais après, oui? Oui, après, oui. Tu veux dire que là, c'est bon, tu es amoureuse? Je suis amoureuse et en couple depuis 2 ans. Ah, ok, je vais passer à quelqu'un d'autre. Et non, mais alors, du coup, c'était la réalité. Non, mais si on peut poser 2-3 questions quand même. Ah ouais. Bah oui. Parce bien que sûr. C'est. Quand on fait une émission de télé-réalité comme ça, on se dit, on y va très honnêtement, on fait un truc, on veut vraiment rencontrer l'amour, ou tu y vas, tu te marres, tu veux réussir grâce à ça, tu veux... C'était quoi dans ta tête, ton idée? Ben, moi, mon idée déjà, c'était de rentrer dans le milieu pour voir ce qui se passait derrière les caméras, c'est ça qui m'intéressait à fond. Et puis après, je me suis dit, quitte à trouver l'amour, hein, on va essayer. Ben ouais. Quoi. On peut être derrière les caméras et trouver l'amour. Hein. Ah ouais. Alors, on est derrière un micro et... Non, bon. Et t'as fait un casting ou on est venu te chercher? Non, j'ai fait un casting. Ok. Ah. Ouais, faut et tu fais quoi maintenant, du coup? Bah maintenant, je vis encore des retombées de la télé. Ah oui? Ah oui, toujours encore. Mais tu fais quoi? Ça fait 2 ans. Tu fais quoi maintenant, du coup, en retombée de télé? Bah maintenant, je suis égérie de plusieurs marques. Je fais beaucoup de partenariats rémunérés. Et je suis blogueuse, en fait. Ah ouais. Il y avait un confessionnal dans les Princes de l'Amour ou pas? Oui. Et ça se passe... C'est un confessionnel. Mais ça se passe comment en fait? Il y a quelqu'un qui te pose des questions? Ah bah il y a un curé qui est là. C'est vraiment c'est le même confessionnal. Hein. En fait, comment ça se passe? Ben, on est devant un écran tout vert et on nous pose des questions sur nos journées. Et on doit raconter. D'accord. C'est cool. Et ensuite ils coupent, ils remettent des phrases les unes après les autres qui veulent plus rien dire par rapport à ce que t'as dit. Naomi, merci beaucoup de nous avoir appelé. Ah ouais. On t'embrasse fort. Avec plaisir. Belle journée à toi. On a le temps de prendre Jessica. Bonjour Jessica. Salut l'équipe, salut tout le monde. Alors toi, tu as fait Koh-Lanta. Et... Jessica, quelle est ton histoire, la chose que tu as vécue qui te marquera toute ta vie? Alors l'histoire incroyable, c'est pas la mienne, c'est celle de mon mari. En fait, mon chéri, c'est un croque-mort. D'accord. Et ils ont été appelés lors d'une réquisition la nuit pour aller chercher un défunt à l'hôpital. Ils ont été. On t'entend pas très bien, Jessica. Tu es peut-être à l'intérieur même d'un couffin. Non, c'est bon. Ton mari travaille dans les pompes funèbres. Il a été appelé la nuit pour aller chercher un corps dans un hôpital, c'est ça? Voilà. Alors du coup, ils sont allés à l'hôpital. ils se sont renseignés à l'accueil, ils ont demandé qui c'était. Donc, ils nous ont dit, ils leur ont dit oui, bon bah vous montez premier étage, c'est monsieur X, voilà. Donc ouais. Ils y vont, ils tapent à la porte, pas de réponse, normal, ils sont peut-être morts quand même. Oui, évidemment, c'est rare qu'un mort te dise bougez pas, je suis aux toilettes. Donc ils rentrent, ils commencent à prendre ses effets personnels, ils préparent le brancard, la housse mortuaire pour prendre la personne et la mettre dedans. Ils commencent à la prendre et tout. Et là, en fait, ils étaient deux. Il y en a un qui prend la tête et l'autre qui prend les pieds. Et au moment de le prendre, en fait, elle commence à la mettre dans la housse, hein, à la fermer, tout ça. Et la personne, elle commence à briller, à crier « Non, je suis pas mort, je suis pas mort Lâche-moi, je suis pas mort » C'est-à-dire qu'il y avait un mort, mais ouais, en fait, le mec s'est réveillé, c'est quoi l'histoire? En fait, la personne, c'était pas la bonne personne, en fait. La personne dormie. Ah, tu veux dire qu'à l'accueil de l'hôpital, ils ont dit « Oui, le mort, il est chambre 313, en fait, il était 312 wow. ». Oh merde! Alors, heureusement qu'il a le sommeil léger. Hein. Ouais, t'imagines? Ou alors c'était vraiment quelqu'un qui voulait se débarrasser de sa tante. Hein. Venez la prendre! Merci de nous avoir appelé, Jessica. Belle journée à toi. 7h55, on revient tout de suite, on va s'écouter Digistech. Et à 8h05, dans 10 minutes, on double votre salaire. À tout de suite! Manu dans le 6-9. C'est Manu. Avec les ouin-ouin. Énergie. Des jumeaux sont nés, ils voulaient donner les prénoms Griezmann et Mbappé. Mais non. Faut pas faire ça les amis, on sait pas quelle image ils auront ces joueurs dans quelques années. C'est vrai, faut penser à l'enfant. Moi par exemple, je le ferai dans la sobriété. Je prendrai toujours un prénom d'un joueur qui a joué cet été, mais dans la sobriété. Je l'appellerai Frappe de bâtard comme Benjamin Pavard. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Et voilà, Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout éligible au CITE, évidemment. Hein ? Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Cadivan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr. Crédit bail 0% sur 36 mois, 90 000 km sur Cadivan et Transporter Van dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2018 sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur lemien.fr. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 € pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. À vos marques, prêts ? On joue à Best of Logo sur Énergie. Question, quel est le premier fromage fondu vendu en portion ? La vache sympa, non ? Non, c'est pas ça ? Si je te dis, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, tu me dis ? Ah bah je dis que c'est bien. Quelle boisson a pour logo deux taureaux rouges ? Alors là, du coup, c'est la vache sympa. Le catalogue le plus imprimé au monde, plus que la Bible. Pour gagner à Best of Logo, il faut vite prendre ses marques. Best of Logo, c'est près de 1600 questions ludiques pour tester sa culture marque. Logo mystère, produit culte, à vous de jouer avec Best of Logo, un jeu lancé. Ah j'hésite, ça pourrait être quoi ça ? Non mais c'est bon, t'es mauvais. Chérie, c'est bientôt les fêtes et j'ai rien à mettre. Va chez Tati, t'as tout. T'as raison, en ce moment la robe de fête est à 8 €. Bah qu'est-ce qui t'arrive ? C'est ce super micro karaoké Bluetooth à seulement 9,90 €. Chez Tati, t'as tout, Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Pas besoin de musique. Pas besoin de comédien. Bah oui, mais moi je viens de me taper 3 heures de route là. Oh, pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent d'eux-mêmes. Avec le nouvel Opel Combo Cargo, élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement 2 palettes et 1 tonne de marchandises. Et on finit comment ? Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux 0 sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, c'est acceptation par Opel Bank. Conditions sur Opel.fr. Voilà. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64 Go est à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70 Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois à 193 € avec la reprise de votre mobile. Jusqu'au 8 décembre, c'est la fête des jeux chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur tous les jeux de société Goliath, Asmodée et Ducaboras, sur 13 jeux Party Games de Ravensburger et même moins 50% sur le second jeu Hasbro Gaming acheté le même jour. Jouet Club. Liste conditions en magasin. Offre valable sur le moins cher des deux jeux Hasbro Gaming achetés simultanément chez Jouet Club. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Hello, c'est Luffy. Beauty Match est de retour. Trois influenceuses vont s'affronter pour des relookings complets. Cette semaine, elles vont métamorphoser des candidats venus trouver le style parfait et je leur apporterai mes conseils mode et beauté. Qui sera l'influenceuse de la semaine? Beauty Match, le choc des influenceuses, ce soir à 18h20 sur TFX. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, il vous en prête un, pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99€, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon casque. Alors, j'ai un souci. C'est... Ah, oui, il est sorti de son truc. Son et nom. Voilà, t'as cassé le matériel. Ah, attendez, pardon. Excusez-moi. Oh, voilà. C'est ça le direct. C'est bon. Oh, ah, bravo. Comment vous avez vu comment j'ai gardé mon sang-froid? Impressionnant, ouais. Incroyable. Vous, n'importe qui aurait paniqué, aurait même bien quitté sûr, le studio, t'aurais resté en, là. En hurlant, mais bien sûr, mon casque est cassé. Moi, je suis resté zen, tranquille, je l'ai réparé moi-même. T'es solide. Vous savez, comme ces gens, ils se pètent un truc, ils le remettent tout de suite, là. Ouais, pareil. Le truc. Exactement pareil. Un os, clac, ils le remettent à chaud. Et moi, j'ai fait pareil avec mon casque. Bravo. Ah, vous savez, je suis un être humain avant tout. Bon, 8h01. On va enchaîner. Oui, c'est mieux. On va doubler votre salaire dans 4 minutes, c'est après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du mieux ce mardi avec une journée moins humide en prévision. Ce matin, le gris devrait l'emporter, c'est vrai, avec des averses sur la Bretagne. Mais dans l'après-midi, on va retrouver de belles éclaircies sur la majorité du pays. Grand soleil même pour le sud-est. Encore quelques gouttes dans l'ouest. Désolé les Bretons. Même genre de météo demain avant une nouvelle dégradation jeudi. Les températures assez douces encore au maxi France. 2 degrés à Auxerre, comptez 13 à Brest, jusqu'à 14 pour Fréjus. Une journée décisive pour le gouvernement. Édouard Philippe devrait faire des propositions dans les prochaines heures pour répondre à la colère des Gilets jaunes. En tout cas, la réunion prévue aujourd'hui dans les bureaux du Premier ministre avec des représentants du mouvement vient d'être annulée, faute de participants. Hier sur le terrain, environ 10 000 personnes occupaient encore des ronds-points ou des péages autoroutiers. Les premières images de pénurie d'essence aussi en Bretagne avec des restrictions à la pompe dans le Finistère notamment. Et pendant ce temps, la colère monte dans les lycées. Une grosse centaine d'établissements étaient bloqués hier, le double de vendredi. Il y a aussi eu des affrontements entre forces de l'ordre et lycéens en Seine-Saint-Denis, dans le Var ou encore près de Saint-Étienne. Des élèves solidaires le plus souvent des Gilets jaunes. Ils dénoncent aussi Parcoursup et la réforme du bac. Et dans ce contexte très tendu, la collecte des banques alimentaires le week-end dernier a été moins bonne que d'habitude. Plus de 10 000 tonnes de nourriture ont tout de même été récoltées grâce à votre générosité. Ça représente 22 millions de repas pour les plus démunis. Le foot, le ballon d'or décerné à Luka Modric hier. Le Croate est triple tenant de la Ligue des Champions avec son club, le Real Madrid, et finaliste aussi du Mondial. Antoine Griezmann, premier français, termine 3e derrière Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé au pied du podium est reparti avec le trophée du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Ada Hegerberg a soulevé le premier ballon d'or féminin de l'histoire. Elle est norvégienne et joue à Lyon. Sur le terrain maintenant, début de la 16e journée de Ligue 1. Ce soir, on a un choc dans le sud entre Montpellier et Lille. Deux équipes du top 5. Paris jouera demain à Strasbourg, Marseille à Nantes et Lyon recevra Rennes. Des dizaines de millions de téléspectateurs chaque année sur tout le continent. L'Eurovision aura lieu en mai à Tel Aviv, en Israël, mais le futur représentant français sera connu en fait début 2019 à la fin de Destination Eurovision. Vita intègre le casting aux côtés d'André Manoukian et de Christophe Willem, avec pour but de désigner le candidat tricolore. Elle livrera ses impressions à la fin de chaque prestation, mais seul le public pourra voter au final. On termine avec du ciné, un film énergie, Nicky Larson, l'adaptation grand écran du dessin animé sortira le 6 février. Derrière ce projet, on retrouve Philippe plats chauds de Babysitting, un vrai fan du personnage. La liste des guests s'allonge encore après Pamela Anderson ou Dorothée, Gérard Jugnot, Audrey Lamy et même Mehdi Sadoun de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu seront présents au casting également. 8h04, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 4 décembre et vous retrouvez comme d'habitude Manu dans 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. Il est 8h05, dans quelques secondes, nous allons doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Ce sera juste avant DJ Snake, on va s'écouter aussi les Maroon 5, et puis dans même pas des minutes, ouais. Dans 5-6 minutes, c'est les concours du jour. Ah, vous ouais. Vous levez, vous vous dites, oh là là, la journée va être pourrie, oh là là, il pleut dehors, oh là là, j'ai des galères, oh là là, la voiture est en panne, oh là là, oh là, juste oh là là. Ouais. Dites-vous qu'il y a pire que vous dans le monde. Ouais. Et tous les matins, on le prouve avec les concours du jour. Des gens improbables, qui font des choses improbables, on sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça, et ça existe. C'est dans 5 minutes, juste après DJ Snake. Avant ça, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Nous allons appeler Vincent. Il habite Sainte-Hélène, c'est dans le Morbihan. Il a 34 ans, il touche 1504 euros chaque mois. Vincent, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Oui, Vincent, décroche ce téléphone. Attention. Allô ? C'est Vincent ? Oui. Vincent de Sainte-Hélène dans le Morbihan ? Oui, c'est bien ça. Eh bien, bonjour. Bonjour. J'ai une question à te poser. Oui. T'as rien à te reprocher ? Non. Ok. Tu sais quoi ? J'ai eu un coup de flip. Ouais. Oui, c'est moi ! Il est enterré dans le jardin ! Non, merde. Vincent, quel est le seul animateur radio qui loupe ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Ouais. Et voilà Vincent, ton salaire, nous allons le doubler maintenant. 1504 euros x 2, ça fait 3008 euros pour toi. Ah c'est incroyable, mais merci Énergie. Eh ben je t'en prie Vincent. Merci beaucoup. Énergie est content et heureux de te doubler ton salaire. 1504 euros x 2, 3008 euros pour toi. Tu es technicien de machine à café et de distributeur automatique. C'est bien ça. C'est toi qui, dans les entreprises, répare les machines quand elles sont en panne. Voilà, c'est bien ça, c'est quand elles sont en panne, voilà. Et c'est moi qui interviens. Vincent, je vais te dire un truc, t'es le meilleur ami de Paulette. Ah, d'accord. Parce que je t'explique, c'est incroyable. C'est peut-être incroyable, c'est peut-être le destin, ouais. C'est peut-être le hasard. Mm-hmm. Mais Paulette va chercher des cafés, comme par hasard, tous les jours, au moment où t'as le mec du distributeur à café qui est là et qui a la machine ouverte pour la réparer. Putain, c'est vrai. Parce que j'ai bien posé une question technique sur non, la c'est pas pour ça. Tu le dis ou je le dis, pourquoi tu le fais? Bah, voilà, non, c'est quoi? On va laisser Vincent le faire. Ouais. Parce que je suis sûr que des Paulettes, il en connaît aussi. Tu les vois, ces personnes, Vincent? Oui, il y en a quelques-unes. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Paulette de chez toi, quand elle te voit avec la machine à café ouverte? Ah bah c'est gratuit aujourd'hui. Oh là là, putain. Paulette, sois content, voilà. Tu n'es pas la seule au monde. Ah bah oui, ça me rassure. Vincent, on te double ton salaire, 3008 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup Énergie, et je vous écoute tous les jours, vous êtes une équipe formidable. Donc continuez comme ça. C'est génial. Bah écoute, merci, parce que vraiment, pour le coup, je t'assure que non, on n'est pas formidable. Oh non, non. 3008 euros, ça arrive très vite pour toi, et ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Vous allez sur energie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69, et évidemment, c'est gratuit, il n'y a pas de numéro surtaxé, il n'y a pas de SMS surtaxé. Pour avoir votre salaire doublé, c'est gratuit tous les matins, 7h05 et 8h05. Les concours du jour, c'est dans 3 minutes. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí no le va, él va. Oh, oh, oh, oh. touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. They can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur NRJ. Les Maroon 5 avec Cardi B arrivent pour vous dans 3 minutes. Et puis après, nous allons parler médailles et coupes. Ah ouais, super. Ah. On le fait de temps en temps dans l'émission. Ouais. On s'auto-congratule. Ouais. Quelle médaille ou quelle coupe avez-vous chez vous et que vous avez gardée depuis des années? Ouais. Peut-être que c'était simplement la petite médaille du cross de 4e. Ouais. Je l'ai gardée pendant longtemps, celle-là aussi. Bah c'est vrai. Peut-être que vous avez été champion d'échecs. Ah, pourquoi pas? Peut-être que vous avez été acheter une coupe à Décathlon et vous faites croire que vous avez gagné un truc. J'ai déjà hésité à le faire. 0870-42-48, vous nous appelez. Avant ça, voici comme chaque jour, les concours du jour. Oui. Des gens improbables qui font des choses improbables. Il y en a partout dans le monde. On démarre en Gironde, c'est en France. Un homme braque une banque de village. Il rentre dans la banque, il voit le banquier et lui dit: donne-moi maintenant 15 000 euros. Oh là là. Et là, en fait, le banquier le regarde et il lui dit: on n'a pas cette somme ici, nous. Ouais. Un mec est emmerdé, il dit: ok, donne-moi 6 000 euros. Le banquier le regarde, il dit: mais vous êtes dans une petite banque de village, on n'a pas 6 000 euros. Et là, le braqueur, il fait un truc improbable, il fait: ok, alors je vais faire un retrait sur mon compte de 200 euros. Mais non. Et il donne au banquier sa pièce d'identité. Mais non. Oh là là. Donc le banquier lui file 200 euros, le mec se barre, mais il avait juste donné son identité, donc il a été arrêté sans trop de problèmes. Ouais. Une belle négociation, bien menée par le braqueur. Le pire braqueur de 2018, c'est bon là, ça y est, voilà, on clôture l'année là-dessus. Voilà. Aux Pays-Bas, écoutez bien, cette histoire, en fait, on en avait déjà parlé, mais ça y est, nous avons le verdict. Ouais. Un homme de 69 ans avait demandé au tribunal à être officiellement rajeuni de 20 ans, parce qu'il se sentait, je cite, physiquement comme un jeune dieu. Ah ouais, rien que ça. Voilà. Ah oui. Et donc il demandait à ce que sa date de naissance soit officiellement changée 20 ans plus tôt. Mm-hmm. Ouais. Le tribunal a rendu son verdict. Il a dit non. Ah oui, c'est normal. Ah, il a expliqué qu'on ne peut pas. Quand on est à une date, et ben c'est comme ça. Ouais. Point. Bah c'est, oui. C'est non négociable. Alors, le mec est un peu triste. Hein. Ouais, en même temps, ça se voit si tu vois une fille arriver à un premier rendez-vous de 80 ans et qui dit: si, j'ai 20 ans, je te jure. Oui. Viens par là, mon petit. Ça peut poser problème. Aux États-Unis, dernier concours du jour, un homme utilise un chalumeau pour faire un trou dans la vitrine d'un magasin. Mm-hmm. Pourquoi? Évidemment, pour le cambrioler et pour y entrer. Ouais. Sauf qu'en fait, il fait un trou qui est trop petit. Il essaye quand même de rentrer dedans. Il y arrive. Ouais. Mais en forçant, il perd son pantalon. Mais non. Il rentre quand même dans le magasin et il vole l'argent de la caisse en slip. Oh là là. Il ressort par le même trou et là, en sortant, il se retrouve coincé. Oh. Ah bon ? Oh non. Coincé, plus moyen de sortir. Ouais. Il a dû appeler la police pour le libérer. En slip, donc. Oh non. Voilà. Je pense que c'est le seul mec à qui, en prison, quand on demande son histoire, il répond: je sais plus.

Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Vita et Slimane dans un instant. Et avant ça, on parle de coupe, on parle de médaille, on parle de winner, on parle de gagnant. Quelle est la médaille que vous avez chez vous? Quelle est la coupe que vous avez chez vous? Venez nous raconter l'histoire de cette médaille. Ouais. 0-870-42-48, Angélique, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les ouin-ouin. Salut. Hello. Tu as gagné une coupe, tu as gagné une médaille, fais-nous rêver. Alors, j'ai gagné une médaille au concours de pétanque de mon village. Ah, c'est bien. Mais alors, t'as réussi à gagner? Non, pas du tout. Ah, hein? Mais t'as eu une médaille? Je suis arrivée dernière. Ah, la médaille de la dernière. Aïe, aïe, aïe. Oh, bah, c'est une médaille quand même. Mais bien sûr, t'as eu une médaille parce que t'étais dernière? Non, parce que j'étais la seule fille à participer, en fait. Ah, oh. Eh ben voilà. Alors, ouais. Ouais. T'es arrivé dernière, ils t'ont donné une médaille. Bon. Ouais, t'es première dans ta catégorie, c'est ça que tu peux retenir et dire, et oui, quoi. Ouais. Non, oui, c'est... voilà, ouais. C'est ça. Oui, ça marche. Ouais. Du coup, elle devait être seule sur le podium, quoi. Ouais. Ah bah oui, parce que t'es la seule personne autour. Ouais. Première, deuxième et troisième, Angélique. Bravo. Merci de nous avoir appelé, Angélique. Christopher, bonjour. Salut Manu, salut moi. Toi aussi, tu as une médaille, tu as une coupe chez toi, fais-nous rêver, quelle est l'histoire? Yes, en fait j'ai été élu meilleur conducteur de la région Nouvelle-Aquitaine, donc j'ai eu un beau trophée. Meilleur conducteur? C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que meilleur tu fais... conducteur routier en fait, parce que je suis conducteur routier. Ouais. Mais alors c'est quoi un meilleur conducteur routier par rapport à un autre conducteur routier? Et parce qu'en fait on a fait des épreuves à un QCM, on a fait des épreuves pratiques avec des manœuvres et de la conduite, et c'est noté sur 20 tout ça, et du coup j'ai eu la meilleure moyenne. Wow. Ah, ouais. C'est le Miss France des routiers, t'es Miss routier. On va dire Miss Aquitaine plutôt. Ah bah écoute, Miss routier Aquitaine, ça commence comme ça avant d'être Miss routier France. C'est pas mal. Et il y a un truc France après. Ouais, après en fait j'ai été qualifié pour la finale nationale et je suis arrivé malheureusement que quatrième. Oh, mais c'est bien, c'est bien. C'est déjà pas mal. Oh mais... non, pas de ça chez nous, Christopher. Ah non. Non, pas le quatrième. Non, je raccroche. Ah ouais, oh, c'est con. Mais ouais, qu'est-ce qui a merdé pour pas que tu sois sur le podium? Honnêtement, c'est au niveau du QCM que je me suis chié en fait. Ah mince. Ah oui, ah, si t'as écrit comme ça, effectivement. Oui. Non, c'est vrai. Parce qu'au niveau de la conduite, j'ai eu 19 sur 20, la manœuvre 18 sur 20, et le QCM 16 sur 20. Bah oui, j'ai reculé, j'ai écrasé l'examinateur. Merci de nous avoir appelé, Christopher. Belle journée à toi. On a Eve qui est là. Bonjour Eve. Bonjour Manu, bonjour les wouah. Eve, toi aussi, tu as une coupe ou une médaille dont tu es fière, on t'écoute. Ah oui, alors moi c'était en 2015, j'étais participée à un concours de beauté pour la plus belle villageoise avec Guizona Chagar et j'ai réussi à finir troisième. Waouh. Wow, mais c'est quoi, c'est le concours de quoi? De beauté de la plus belle villageoise? Oui. Oh, dans ton village à toi? Oui, il doit avoir quoi, 4000 habitants à peu près. Wow, c'est pas mal. Ah, ouais. C'est cool. Et c'est où? C'est quoi ton village? Alors, Guizona Chagar, pas confondre avec Guizona. C'est en Corse. Eh oui, bien sûr, je vois très bien, c'est pas loin d'Aléria. Oui. Ah, ouais, bien sûr. Évidemment, je connais Aléria. Tu connais, toi, nous? Oui, je connais. Il y a le fromage, il y a la petite Adèle, je connais, oui. Mais toi, nous, tu connais, toi, nous? Comment? Toinou, tu connais Toinou? Oui, je vous connais, c'est pas non, parce que je viens de nous. Non, pas nous, je dis Toinou, qui fait du miel dans le village. Tu connais pas Toinou? Non, je connais pas tout le monde, non. En Corse, tout le monde connaît Toinou. Ouais. C'est qui Toinou? Toinou, il fait du miel dans le village de Fèche, en haut dans la montagne. Peut-être mon copain, mais moi après, il est où ton copain? Parce que moi, ton copain, c'est quand même pas possible. Tu connais pas Toinou qui fait du miel? Je pense que si. Non mais c'est ça. Alors ici, moi, c'est pas possible que tu connaisses pas Toinou qui fait du miel. C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce. Mais c'est Toinou. Mais genre, tout le monde le connaît. Ah non, personne le connaît, mais c'est pas grave, c'est Toinou. Mais je veux que tout le monde le connaisse. Attends, dégougez pour. Et Toinou. Non mais Manu. Sur Google, si on tape Toinou miel, on le trouve. Ah non, je pense pas, non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Alors attends, bouge pas, je vais l'appeler quand même, sauf que c'est quoi? T'appelles Toinou là? J'appelle Toinou, il fait du miel dans le village. Mais non. Mais pourquoi on appelle 06 73 80. Ouais, non, le dis pas. Pardon, il s'appelle pas le mot. C'est quand même incroyable. Bon. Tu veux que tout le monde le connaisse, quoi? Bah, c'est Toinou, quoi. Il fait du miel dans le village, je l'appelle. Non, puis c'est bien, Eve et Toinou vont se rencontrer. Bah, évidemment, mais ça. Ah, bah, et puis il va être déçu de savoir que Eve le connaît pas, quoi. Bah, oui. J'espère que ça répond. À cette heure-là, il est levé, normalement. Oui. Et bon, au village, des fois, ça passe pas. Ah, mince. Oh, merde. C'est vrai, hein. Peut-être qu'il travaille. Non, je sais ce qui se passe, il est vexé. Ah ouais? Parce qu'on le connaît pas. Ah, attends, ça décroche. Oui, non. Allô? Vous êtes bien sur la messagerie d'entre. Oh non. Ah, toi, nous, il doit faire du miel là. Ah, je suis. Bon, il doit faire du miel, je suis désolé. Oh. Bon, dis-moi, t'avais une. Oui, t'avais une médaille, tu me disais. Absolument, oui. T'as été élue la plus belle villageoise de ton village. Troisième. Ah, c'est bien. Troisième, c'est pas mal. Bah oui, ouais. C'est classe. Et t'en as pas fait d'autres après? T'es pas montée de. Non, parce que j'ai pas la même grâce que les Miss France qu'on voit à la télé. J'arrive pas à être sérieuse. Mais t'as eu une écharpe quand même? T'as eu une écharpe comme les Miss ou non, même pas? Oui, un papier toilette avec marqué Miss Guido. Ah oui. Ah bon, papier toilette. Ouais. Bon. Attends, mais c'est rien. Tu sais quoi? Eve, ne raconte pas cette histoire. ne t'emmerde pas. Et je viens d'avoir un SMS de Toinou qui me dit non, laisse tomber. Eve, on t'embrasse très fort. Oh, on te souhaite une belle journée. Gros bisous. Merci de nous avoir appelé. 8h27, on revient tout de suite avec Vita. Avec Slimane. C'est juste après les infos de 8h30. Bon réveil sur Énergie. Manu dans le 6-9. Joyeux Noël avec Énergie. Les 50 000 euros de la playlist Suprême Énergie doivent être gagnés. La playlist Suprême Énergie, c'est dans l'ordre. Angèle, Marshmello, tu comprendras plus. Big Flo et Oli, Marmek et Smack. On a des souvenirs. 3 cafés gourmands. Vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Ce week-end, j'organise un petit truc à la maison et j'ai besoin d'un conseil. Bien sûr, Michel, dites-moi. Alors voilà, je cherche un vin pour accompagner mon délicieux foie gras. Ne cherchez plus, Michel. Chez Carrefour Market, il y a 50% de remise immédiate sur de nombreux produits de grandes marques. Par exemple, jusqu'au 16 décembre, la bouteille de Montbazillac Réserve 2017 est à 3,97€ seulement. C'est parfait pour le foie gras, ça. Vous êtes un sacré expert. Carrefour Market. La bouteille de 75 centilitres pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Mmh. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Pour Noël chez Carrefour, l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est seulement 19,90€ au lieu de 59€. Non mais 19,90€ seulement! Parfait pour mes cadeaux de Noël! Résultat des courses, Google Home Mini pour papa, pour mamie, pour tante Anne. Ok Google? Jusqu'au 18 décembre dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à seulement 19,90€ au lieu de 59€. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris, offre valable à partir de 150€ d'achat hors Google Home Mini. Offre, modalité, magasin Carrefour participant sur carrefour.fr. Bah, la prime de Noël, Dacia chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai. J'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben, répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Pas besoin de musique. Pas besoin de comédien. Bah oui, mais moi je viens de me taper 3 heures de route là. Oh, pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent d'eux-mêmes. Avec le nouvel Opel Combo Cargo, élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement de palettes et une tonne de marchandises. Et on finit comment? Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux zéro sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, si acceptation par Opel Bank. Conditions sur opel.fr. Voilà. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10 € par mois pendant un an, puis 25 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma hotte, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 € par mois. Ah, ah bah alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulière pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2 000 €, puis 36 loyers de 159 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur seat.fr. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, staff le loup. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Maman, maman, on mange quoi le 25? Fruits de mer. Le 25? Mais chez Ford, c'est Noël jusqu'au 17 décembre, ma chérie. Quoi? Et oui, au menu, c'est crédit à 0% et TVA offerte. Jusqu'au 17 décembre chez Ford, profitez d'un crédit 0% et de la TVA offerte sur plus de 2000 véhicules prêts à partir. Et mes fruits de mer? Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option. Crédit auto pour 10 000 € empruntés, 2 000 € d'apport, 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 € si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h33, dans même pas 10 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent. C'est l'objet le plus vendu à Noël après le sapin et le papier cadeau. Quel est cet objet? La réponse, c'est dans même pas 10 minutes, juste après Vita et Slimane. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore pas mal de nuages ce matin. C'est vrai, quelques gouttes aussi pour la Bretagne uniquement, mais le ciel va quand même se dégager au fil des heures. Cet après-midi, on retrouvera donc de belles éclaircies, sauf en Bretagne, encore une fois sous les averses. Sinon, le soleil va briller dans le sud-est. Les températures restent douces pour la saison. Au max, on aura donc 9 degrés à Valenciennes, 13 au Mans, jusqu'à 15 pour Cahors. Ça bouge au gouvernement malgré l'annulation de la réunion avec les Gilets jaunes ce mardi faute de participants. Édouard Philippe devrait bien faire des propositions aujourd'hui. La suspension de la hausse des taxes sur le carburant semble acquise finalement. Une hausse de la prime d'activité pour les bas salaires serait aussi dans les tuyaux pour le Premier ministre. Sur le terrain, la mobilisation continue avec des opérations coup de poing encore hier à la frontière espagnole ou en Bretagne. Des dizaines de stations essence sont en situation de pénurie là-bas. On n'oublie pas non plus les lycéens qui se disent assez solidaires. Une centaine d'établissements étaient bloqués hier pour dénoncer. C'est également la réforme du bac ou encore Parcoursup. Situation insoutenable maintenant. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi surpeuplées. Plus de 70 700 détenus étaient incarcérés en septembre dans le pays pour seulement 60 000 places. Certaines maisons d'arrêt sont plus touchées que d'autres, comme à Carcassonne, à Béthune ou encore à Nîmes, avec un taux de surpopulation de 200%. Environ 7 000 lits supplémentaires, en principe, devraient être créés d'ici 3 ans. Deux actus foot ce matin. Le Ballon d'Or et le sacre d'un Croate. Luka Modric, le milieu du Real Madrid, a décroché la récompense hier pour la première première fois de sa carrière. Il devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann sur le podium. Kylian Mbappé, quatrième, a reçu le trophée du meilleur joueur de moins de 21 ans. Côté pelouse, ça se joue ce soir en Ligue 1, début de la 16e journée avec notamment Montpellier-Lille à 21h. Rendez-vous demain pour le PSG à Strasbourg et Marseille à Nantes. Lyon recevra Rennes. Elle nous fait voyager en musique. Jane prend la direction du Mali avec Oman, son dernier single. Sur ce titre, la Toulousaine a convié des musiciens africains avec leurs instruments traditionnels. Un vrai dépaysement pour parler d'un sujet très sérieux, l'amour. Pour elle, ce titre est sûrement le plus représentatif de son album Soldier. Soldier, c'est, si on traduit le jeu de mots, ça fait soldat de l'âme. Et c'est ça que je voulais montrer, c'était à la fois ce côté combatif et en même temps ce combat aussi, mais avec de l'amour, on va dire. J'avais très envie, voilà, d'écrire une histoire d'amour d'un point de vue, on va dire, de l'homme. C'est vrai qu'on a beaucoup de chagrins d'amour qui parlent de femmes, et là j'avais envie, voilà, de me mettre plus à la place de l'homme et d'écrire sur la sensibilité aussi. Surtout de pouvoir dire qu'on peut pleurer, qu'on peut être sensible sans forcément avoir honte. Bah, interview de Sonia de la Forterie, Jane qui achève toute sa journée et sa tournée mondiale. Elle reprendra la route de mars à juin dans toute la France. Fin de ce flash pour Réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Énergie. Noël, c'est dans 20 jours. Ouais. Oui. Ah, et dans 24 heures. Ouais. Il va falloir s'armer, les amis. Pourquoi? Ouais. Il va falloir être là, il va falloir être fort, il va falloir être costaud. Ah oui. Laser game. Oh là là, ouais, c'est vrai. On est chaud, là, allez. Nous avons un défi que nous avons lancé. Allez, je ne sais plus comment c'est venu, d'ailleurs, cette histoire de laser game. On a doublé le salaire de quelqu'un qui travaillait dans un laser game. Ça. Ouais. C'est ça. Et voilà. On s'est dit, on va faire un laser game avec Koé. Ouais, exactement. Exactement. Koé, c'est tous les après-midi sur Énergie à 17h. Ouais. Et nous avons dit, on va faire un laser game. Son équipe contre la nôtre. Dans chaque équipe, 3 garçons, 2 filles. Ça va se passer demain, nous allons le filmer. Le temps de faire la vidéo, vous pourrez tout voir. Alors apparemment, je dis bien apparemment, il sera en train de préparer les techniques. Ouais. Écoutez, on a reçu ce message sur l'application Malu dans le 6-9. Merci à vous d'être nos espions. Écoutez. J'ai un truc à vous dire, j'ai entendu l'équipe de Koé parler d'une stratégie pour mercredi, votre laser game. En fait, ils vont vous prendre par derrière et ils ont l'air bien entraînés. Bisous, bisous. Ok. D'accord. J'ai aucune envie que Koé me prenne pas derrière et qu'il soit bien entraîné. Il va falloir être fort. Ouais. Il va falloir être costaud. Oh là là, il va falloir trouver les techniques. Ouais. On va pas se faire battre au laser game par l'équipe de Koé. Ah non. C'est clair. Déjà, pour battre Koé, il y a une technique très simple. Ouais. La course. Ah, tu penses? Ouais. Tu crois? Faut le faire courir. Ok. Il faut l'épuiser, la bête. Il faut le faire ramper, il faut le faire suer. Et à un moment, il va tomber par terre et là, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ah oui, c'est combat à mort, quoi. Ah oui. Ah ouais. Je suis sur Instagram, il va au sport pas mal en ce moment. Je le connais, c'est de l'arnaque. Ah ouais. Non, non, non. Quand tu fais du sport, t'as pas le temps de faire le selfie. Et il est sans arrêt là sur son tapis roulant. Allez, regardez, regardez. Tu parles, en fait, il y a deux mecs en dessous qui poussent et qui font tourner le truc. Non, non, non. Il faut le faire courir. Il faut, okay, il faut qu'on trouve des techniques. Il faut qu'on trouve des tactiques. J'ai trouvé, moi, j'ai cherché des tactiques sur Internet. J'ai commencé à. Des vraies? Oui, des vraies tactiques. J'ai trouvé un site Laser Game. Et j'ai trouvé des différentes tactiques et j'en ai attribué à chacun des tactiques. Ah, super. Carrément, t'as déjà fait le plan de combat. Attends. Mais génial. Tac. On va faire quoi? Il y a trois tactiques principales. Ah. Il y a Paulette et Isa, je vais te donner la technique du lapin. Ouh là là, c'est quoi ça? C'est une technique pour les débutants, ça consiste à faire un n'importe quoi. À courir et à crier pour déconcentrer l'adversaire. Alors tu sais, de toute manière, même sans leur dire, elle l'aurait fait. Hein. Ouais, c'est ça. Je rappelle, la vidéo, elle est toujours sur malunanslistoff.com et sur Facebook. On avait fait un combat de coussins, hein, une bataille d'oreillers avec Soprano et son équipe. Ouais. En 3 secondes, les filles étaient dans un coin de la pièce en train de se protéger. Ouais. Bah, ils nous ont bloqués dans un coin de la pièce et pris nos coussins. Non, non, vous êtes bloqués toutes seules. On l'a fait, la fameuse technique du lapin. Ouais. Ouais. Mais là, c'est sur un site de laser game, c'est des vraies techniques qui existent. Ah, t'as fait la technique du lapin dans le terrier, là, c'est différent. Donc, très bien, ok, les filles, elles courent, elles font n'importe d'accord, quoi, elles font peur. Ouais, Nico, toi, t'as quasiment la technique la plus importante. Vas-y. C'est la technique du raptor. Yes. La technique du raptor, c'est une stratégie offensive avec des déplacements rapides pour aller au corps à corps, au contact rapproché. Wow. Il faut vraiment, et tu passes derrière les lignes ennemies, toi. Okay. C'est le raptor. Et Manu, toi et moi, on a une technique en duo. Ça s'appelle la technique de la tourelle. En gros, je te monte dessus, tu fais le dos rond ou je monte sur tes épaules et je vais prendre de la hauteur, moi, pour sniper les adversaires. Oh là là, donc toi, t'es en dessous, vraiment, tu fais le dos rond comme ça. Oula. Je te monte dessus. Alors, et je tire. Aucun problème pour faire la tourelle, mais c'est moi qui monte. Non. Non, non, ah, si. Non, ah, si. Non, les gars. Que moi, donc bah alors, tu sais quoi, je vais faire le lapin. Okay. Et je vais dire comment ça va se finir. On va tous faire le lapin. Nous et eux. Et ça va courir dans tous les sens. Okay. Laser Game, l'équipe de Koé contre l'équipe de Manu. Ça va se passer demain. Ouais, on va filmer ça évidemment. Ouais. On va le monter rapidement et on vous mettra la vidéo en ligne si on gagne. Ouais. Sinon, on ira avoir joué au Laser Game. J'espère, comme on vient de donner toutes nos techniques à la radio, il y a peu de chance qu'on gagne. Honnêtement, voilà. T'as compris les techniques de Glandu? Non. Alors, ça marche. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin sur NRJ, juste après Vita et Slimane. Soyez les bienvenus. On démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9. Merci de nous avoir choisis. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là, quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. H43, bienvenue sur NRJ. On va se faire le avez-vous déjà qu'on doit faire depuis 6h ce matin. Mais oui, on l'a dit, on va faire un avez-vous déjà. On va le faire dans 5 minutes. Vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. Il y a deux façons de le faire. Soit je pose des questions, soit vous nous posez des questions au téléphone au 0 870 42 48. On va faire ça. D'accord. Ouais. Okay. Vous nous appelez, vous nous posez des questions qui doivent toutes commencer par avez-vous déjà. Mmh. Avez-vous déjà fait ça? Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà... Ouais. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Avant ça, voici les sondages du matin. Ah. Ouais. C'est l'objet le plus vendu à Noël après le sapin et le papier cadeau. Qu'est-ce que c'est, Nico? Le bolduc. C'est le ruban là que tu mets autour des cadeaux. T'aimes bien dire bolduc. Ouais, j'adore ce mot. Ouais. Il est rigolo. Je connais Nico, à chaque fois qu'il arrive à placer le mot bolduc, il est content. Pour montrer qu'il sait qu'effectivement le petit ruban là, ça s'appelle le bolduc. Ah, ouais. Il le dit. Hein. Ouais. Et là, c'est sa période, là, c'est Noël. Ah, j'adore. Le bolduc. Ah, ouais. C'est le nom du petit ruban, effectivement. Ouais. Mais c'est le bolduc. Mais ce n'est pas ça. Ah, c'est pas ça. La grosse étoile qu'on met au-dessus du sapin. Non plus. Les boules non plus. Bah alors la guirlande lumineuse. Non plus. Ça a un rapport avec les cadeaux ou avec le repas? Ça a un rapport avec les cadeaux. Ah, et ça se mange ? Ah, non, mais non, ça n'a pas de rapport avec le repas. Ah, ouais. Oui. Ah, et oui. Ça a rapport avec le papier cadeau ? Un peu, oui. C'est très utile. Très utile. Du scotch. Le scotch. Ouais. Okay. C'est l'objet le plus vendu à Noël après le sapin et le papier cadeau. Ah, ouais. Non, c'est pas décevant tant que tu l'offres pas en cadeau. Pour 2% des femmes, un homme qui pratique cette activité est sexy. Pour 2% des femmes, donc c'est pas une activité qui a priori peut paraître sexy. Hein. Paulette ? Le hockey. Le hockey sur glace. Le sport ? Non, c'est pas ça. Le jardinage ? Non plus. C'est un sport mécanique ou pas ? C'est un sport et c'est pas mécanique. Ah. Le squash ? Non. Quoi, non. Ça pourrait être ça, c'est sexy le squash. Sexy, ouais. Bah oui, justement, base, c'est un truc au départ, on se dit que c'est pas sexy, 2% des femmes. Ouais. Il y a au JO ou pas ? Au JO, oh, putain, tu sais quoi ? Je sais pas du tout. Ah ouais ? Je crois pas, je pense pas. Il y a des concours à la télé, on peut en voir ? Oui, on peut en voir à la télé. Le curling ? Non. Il faut de la force, beaucoup de force. Mais le curling, t'es vraiment pas loin. Ah, la pétanque. La pétanque. Ouais, bah oui. Pour 2% des femmes, un homme qui pratique la pétanque est sexy. Moi, j'aime bien les hommes à béret. Souvent à la pétanque, les hommes ont un béret. Le cliché. Souvent à la pétanque, les hommes ont un béret. Moi, très souvent, j'ai vu des gens qui jouent à la pétanque dans le village où habite par exemple mon papa, et ils ont un béret. Et je trouve ça très chic. C'est qu'un jour, t'as vu un mec avec un béret jouer à la pétanque dans ton village, et Paulette, elle en est arrivée à la conclusion suivante. Mais les gens de pétanque, ils ont tous un béret. Hein. Ah bah oui. C'est la chose que tous les hommes devraient savoir faire à la maison, selon les hommes eux-mêmes. Ah. C'est la chose que tous les hommes devraient savoir faire à la maison, selon les hommes eux-mêmes. Nico. Tondre la pelouse. C'est pas tondre la pelouse, c'est à l'intérieur. Faire tourner une lessive. Ah. Non plus. Ça a rapport avec le bricolage ? Oui, c'est un peu de bricolage. Bah, poser une étagère, hein, c'est la base. Non, mais c'est poser quelque chose. Il faut une perceuse ou pas ? Non, si t'as besoin d'une perceuse, c'est que tu l'as mal montée. Hein. D'accord. C'est dans une pièce particulière de la maison ? Oui, absolument. Une grande ou une petite pièce ? Petite pièce. Le rideau de douche ? Non. C'est dans les toilettes ? Oui. Bah la chasse d'eau, réparer la chasse d'eau. Non, non, la chasse d'eau dans les toilettes, on a un problème chez toi. Non. Ah non, la chasse d'eau, pardon, j'ai confondu avec la douche. C'est moi. Ouais. C'est moi qui ai un problème. C'est la chose que tous les hommes devraient savoir faire à la maison, selon les hommes eux-mêmes, fixer la planche des toilettes. La lunette des toilettes. La lunette. Oui. Mais un jour, je me suis coincé la cuisse comme ça avec une lunette mal placée. Mais ça fait un mal de chien. Ah non, vraiment. Parce qu'en m'asseyant. Tu t'es coincé la cuisse ? Oui, en m'asseyant parce que la lunette a bougé d'un tout petit peu, mais ça a suffi pour me pincer la cuisse. Cette anecdote est absolument incroyable. Je pense que ça, on peut en parler à tous les repas de famille. Là, attendez, on va demander quand même. On va demander si c'est possible de la refaire. Il est 17h20. Isabelle est chez elle. Elle rentre. Une journée épuisante. Mais elle sait que sa deuxième journée va commencer dans un instant. Elle va devoir s'occuper de ses trois enfants. Le petit a encore sans doute fait caca dans sa couche. Le moyen, lui, quant à lui, ne pense qu'à une seule chose, le football et FIFA. La troisième, elle, est en pleine crise d'adolescence. Elle dit non à tout. Elle n'en peut plus. Cette femme est débordée, cette femme est fatiguée. Dans le tiroir, des chaussettes. Seule. Abandonnée. Mais cette femme, en rentrant à la maison, n'a qu'une envie. Faire pipi. Elle s'approche des toilettes, ouvre la porte, enlève son pantalon et s'assied sur la lunette des toilettes. Qu'est-ce que se passe-t-il dans les toilettes ? Elle se coince la cuisse ! Mon Dieu ! Mais cette femme, nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Isabelle. Elle mesure 1m57. Vous soulignerez déjà l'effort d'avoir grimpé jusqu'à la lunette des toilettes. Oh non ! Son mari lui-même lui avait dit, écoute, si t'arrives pas à grimper, fais dans la litière du chat. Mais Isabelle, elle n'a pas peur. Et elle veut y arriver, elle veut grimper. Et elle y arrive. Elle s'installe sur la lunette des toilettes. Cette femme, nous l'avons retrouvée. Isabelle, bonjour. Bonjour Manu. Racontez-nous votre histoire. C'était terrible, je pensais me détendre et faire un petit pipi rapide et je me suis coincée la cuisse dans la lunette de la toilette, mal fixée par l'homme de la maison, qui ne savait pas que c'était très important de savoir le faire. Il est 8h49, demain, à la même heure, restez avec nous et vous découvrez une nouvelle histoire d'Isabelle. Ah oui, oui. Oh, j'adore. This is complete and total bullshit. later, bitches. Bitches. Bitches. Soyez les bienvenus sur NRJ. Georges Ezra arrive dans 3 minutes. On l'écoutera après. On verra. D'accord. Très bien. C'est toi qui décides. À tous ceux qui disent que ouais, l'émission est préparée, eh ben, je vais vous dire un bon truc. Vous avez raison. On a Audrey avec nous au téléphone. Bonjour Audrey. Bonjour Manu. Bonjour les mamans. Bienvenue sur NRJ, Audrey. Que fais-tu dans la vie? Où habites-tu? Et quels sont tes plus gros défauts? T'habites où, Audrey? Alors, je suis commerciale. J'habite à Rives-de-Gier. Mon plus gros défaut, ça va être dur d'en trouver un. Ça y est, on a ta meilleure qualité, Audrey. Tu es humble. Non, on va dire que j'ai un sale caractère. Ah, ouais. Mais ça peut être une qualité aussi, non? Ouais. D'avoir un sale caractère? Ouais. Alors, c'est marrant, j'avais pas mis ça dans qualité au départ. Ouais. Attends, je vérifie. Non, c'est bon. Ah, mais j'étais restée bloquée sur le défaut, pas en qualité. Audrey, ça va être le genre de fille en couple qui se qualifie de attachante. Ah non, tu vois ça. Oui, non, mais, plus chiante qu'attachante. Ah, ok. D'accord. Ça va, alors. Au moins, Audrey, ta meilleure qualité, c'est que t'es honnête. Ah ouais. Alors, du coup, peut-être un peu trop. Ouais. Tu es en couple? D'accord, j'en dirai moins. Tu es en couple? Oui. Ah, oula. Attends, c'est pas une tare, hein. Ouais. C'est gênant. Ou alors t'es en couple, mais tu veux plus, mais tu veux pas lui annoncer, c'est ça? Mmh. On veut pas créer de problème, hein, nous. Hein. Parce que c'est les débuts. Non, pas du tout. C'est le début, non, ça non, fait longtemps? Non, ça fait 7 ans. Ah ouais, ah bah, 7 ans, attends. Audrey, tu te convives jusqu'à 2000 ans? Non, parce que 7 ans, c'est déjà beaucoup, ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous faites l'amour aussi souvent qu'au début? Non. Non. Ben pourquoi tu réponds, Nico? T'es en couple avec elle ou... Ouais, non, mais moi ça fait 10 ans et je peux te le dire que non. Non, mais effectivement. Et parce que vous savez quoi? J'ai lu une étude là-dessus. Ouais. C'est terrible, mais une étude qui montre qu'on a beau dire, on a beau faire, ça n'existe pas. Ça chute. Avec les années, on fait de moins en moins l'amour. Mais parce que je pense, enfin, de mon expérience personnelle, hein, au début, t'as le côté excitation, etc. Et tu découvres l'autre, et après, tu trouves en l'autre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai quoi, moins... Sa belle-mère, par exemple? Oh, par exemple. Non, mais tu vois, moi, j'ai moins besoin de faire l'amour avec ma femme parce qu'on se retrouve aussi, on aime plus les câlins, les caresses, etc. On n'est pas obligé de tout le temps passer à l'acte. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas spécialement la fougue du alors, début. Alors, c'est marrant, elle me disait non. Ah ouais? Merde. Désolé. Audrey, tu confirmes? Non. Oh, merde. Non, c'est bien les câlins et tout, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. J'y vais aussi. Elle rigole pas, Audrey. Hein. La pression que tu mets à ton mec. Bon, là, faut y aller maintenant. Oh. Non, mais il faut peut-être, le secret, c'est de rompre peut-être tous les 6 mois ou tous les 1 an. Comme ça, ça ben ouais, tu romps, t'as peur, tu reviens, c'est cool. Ouais. Alors moi j'ai essayé en général, après on revient pas ensemble, mais. Ce qui est génial avec Paulette, c'est un don qu'elle a. C'est de donner des conseils, sachant pertinemment que c'est des conseils de merde. C'est génial. T'es à la falaise, bah saute, peut-être que tu voleras. Ne le faites pas. Audrey, merci d'avoir été avec nous, on t'embrasse fort. Bisous. Gros bisous, 8h55, on revient tout de suite. Ouais, écoutez, Jean Gézra, c'est juste après les infos. Ouh, et dans un petit quart d'heure, c'est les infos de Glandu. Ah. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Les ouin-ouin du matin, c'est sur Énergie. Avec Manu et son équipe, la musique et des délires. Énergie. Et c'est incroyable comme vous arrivez à chanter juste. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like someone. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, j'ai changé de mobile avec Orange. Et avec l'appli Transfert des données, j'ai récupéré toutes mes données. Oui, mais moi, j'ai changé de mobile avec un expert Orange en boutique. Et il m'a transféré tous mes contacts. Oui, bah moi, l'expert Orange, il m'a aussi transféré mes photos, mes vidéos et même mes SMS. Et l'expert Orange, il ouvre les huîtres aussi? Changer de mobile, c'est facile avec Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Prestations valables pour un seul équipement pour clients Orange. Tarifs et conditions en boutique et sur orange.fr. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, mais bon, j'ai pas 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge, je crois, au Père Noël. Hein. Et ben, en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru. Le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix. Hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1 euro plus 8 euros par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70 gigas. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois à 193 euros avec la reprise de votre mobile. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99 euros, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de voyager dans la très confortable berline Peugeot 308, et si vous êtes impatient de maîtriser parfaitement vos trajets avec sa navigation 3D connectée, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 308. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 10 décembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018, promo valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur Soch.fr. Soch ! Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tu sais, à ton âge, j'avais le droit à une clémentine pour Noël. À ce prix-là ? Mais je sais pas.